couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis Rod Vautreux pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 20. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, faites-le à notre adresse email dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Si vous le souhaitez, d'ailleurs, vous pouvez utiliser DNMX aussi comme adresse email. Mais il faut passer par Tor, donc si vous maîtrisez Tor, ça peut être intéressant. Inscrivez-vous aussi sur le forum Europe Écologie Les Bruns à l'adresse suivante, eelb.su. Alors, il peut y avoir des petits soucis quand vous vous inscrivez, auquel cas, envoyez-nous un message s'il vous plaît, pour nous dire que vous n'avez pas réussi à vous inscrire, on veillera à le faire de notre côté. Si vous avez envoyé un message précédemment, il n'a plus passé en spam, donc si jamais vous avez voulu créer un compte que ça n'a pas fonctionné, s'il vous plaît faites-le. Alors pourquoi ça peut cafouiller? Parce qu'il y a des filtres anti-spam, et si vous passez par Tor, il est possible que vous soyez considéré comme en fait un spammeur, tout simplement. Donc voilà, donc envoyez-nous un petit message et on réparera ça. Nouvelle adresse du site, la censure étant toujours de mise, démocratie-participatif.shop, S-H-O-P, shop, donc un magasin en anglais, hein. On fait avec les noms de domaines qu'on peut, hein, vous le savez, donc à partager avec vos amis, vos contacts, par email, voilà, voici l'adresse de démocratie participative, ça a changé. Mais comme vous le savez aussi, on est toujours disponible sur Tor, on a ce qu'on appelle un oignon Tor, en fait une adresse Tor, donc que vous pouvez trouver sur la partie droite du site en permanence. Donc il faut soit le navigateur Tor, soit le navigateur Brave, et parce que Tor est intégré dans Brave, j'ai déjà expliqué ça. Il y a des gens qui nous ont écrit en disant vous avez expliqué, mais je m'en sors pas. Ça arrive, je veux dire, je jette pas la pierre. Hein. Bon, il y a des gens ils sont fâchés avec les ordinateurs, c'est pas un problème. Mais disons que effectivement, soit il y a deux options, télécharger le navigateur Tor, c'est gratuit, c'est en ligne, Google, Tor, télécharger, voilà. Ou alors Brave, pareil, et là c'est un clic à droite de l'écran, sur les trois petits traits, il y a un menu qui s'ouvre, ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée avec Tor, et voilà, vous avez une nouvelle fenêtre Tor, elle est mauve normalement, et vous copiez-collez notre adresse Tor dans la barre de navigation, et voilà, vous y êtes. Et là, il n'y a plus jamais de censure qui opère, puisque le réseau est indépendant, donc peu importe ce que font les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet, ça ne fonctionne plus. Donc l'oignon est toujours disponible, s'il vous plaît, reportez-y, c'est le moyen le plus efficace de ne jamais perdre de vue notre site. Avant d'entamer l'émission et de remercier un petit peu avant les donateurs, tout de même, on va saluer les participants de cette semaine. Derek devait être avec nous cette semaine, mais il a eu un empêchement de dernière minute, j'en suis désolé. C'était indépendant de sa volonté. J'espère qu'on l'aura pour une émission prochaine. Normalement, ça devrait être le cas. Et on devait aussi avoir Diabolix, mais pareil, des problèmes techniques l'empêchent de nous rejoindre. Donc, nous avons quand même des intervenants de qualité, hein, n'empêche. Hein. On va commencer avec Vincent, qui nous fait le plaisir d'être fidèlement présent en poste depuis un certain nombre d'émissions maintenant, qui apporte son talent, sa capacité d'analyse, que j'admire personnellement. Salut Vincent, j'espère que d'abord que tu vas bien, autant que faire se peut dans les conditions qui sont celles que t'impose la Providence. Hein. Est-ce que ça va ? Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité. Ça va très bien, merci. Hein, malgré tout ce qui se passe et tout ce qu'ils me font, je vais super bien et je suis encore heureux d'être avec vous cette semaine. Alors j'indique pour nos auditeurs, si vous souhaitez suivre l'actualité de Vincent, vous avez plusieurs options. Mais la première, c'est son compte Gab sur le réseau social Gab, gab.com, Vincent Raynoir, voilà, sur Gab, vous le trouverez assez facilement. Ou alors, plus simplement, son site internet personnel, dont je donne l'adresse tout de suite, blog bloguesc.com, blog-sc.com. C'est là où vous trouverez les vidéos, les textes de Vincent et son actualité. C'est la meilleure façon de le suivre. Et sinon, il y a aussi un excellent site très didactique, showarnaque.org, dont le lien d'ailleurs est présent à droite sur le site de Démocratie Participative. C'est très très bien quand vous voulez expliquer l'arnaque des chambres à gaz à quelqu'un qui est passé par la propagande officielle. D'accord ? Donc plutôt que de reprendre à votre charge l'explication, faites très simple, vous dites à quelqu'un, écoute, lis ce site et ensuite on reparle. Voilà, showarnaque.org, c'est très didactique, très bien fait, tout s'y trouve, je n'ai pas besoin d'expliquer quoi que ce soit de plus. Voilà, donc j'ai procédé à ce rappel. Je poursuis avec Sobieski qui nous fait aussi le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut Sobieski. Salut Gandalf, et salut à tous les démocrates, profitez bien du beau temps. Ah oui, c'est la canicule. Alors, il ne parle plus que de ça maintenant. On oublie la guerre en Ukraine, on oublie les élections, on oublie tout. Hein. Il fait chaud, alors c'est la fin du monde. Oui, effectivement. Et Hydromel est avec nous. Hydromel, tu tombes bien. Tu vas pouvoir nous désaltérer. J'espère que tu vas bien, Hydromel. Bonjour Gandalf, bonjour à tous et bonjour à tous nos auditeurs. Et j'espère qu'on sera bien inspiré durant cette émission. Oui, c'est nécessaire d'être inspiré. Et on attaque d'emblée, mais avant, on remercie les donateurs. Merci à tous ceux qui nous soutiennent anonymement par des dons que vous savez possibles en crypto-monnaie avec Monero. Alors les cryptos en ce moment sont très très baissières. Bon, c'est comme ça. C'est la loi du genre. Si vous souhaitez nous soutenir par crypto-monnaie, Monero, ça garantit l'anonymat total des transactions, donc personne ne peut savoir que vous avez soutenu le site, personne ne peut remonter jusqu'à vous, y compris pour le montant. Il y a un guide explicatif aussi à droite sur le site qui explique comment faire un don en crypto-monnaie. Beaucoup de nos donateurs ont fait cet effort de se familiariser avec quelque chose qui a priori n'était pas pouvait paraître un peu obscur, mais c'est relativement facile de prise en main, donc je vous y invite. Pour nous soutenir ou pour soutenir d'autres causes, j'invite toujours tous ceux qui veulent s'engager à recourir aux crypto-monnaies. Vraiment, c'est pas du luxe. Et je dis des vraies crypto-monnaies. Monero, c'est vraiment chiffré, quoi. Ça garantit vraiment l'anonymat. C'est son avantage à cette crypto en particulier. Donc voilà. Donc, merci à tous nos donateurs. Et nous avons deux donateurs alors qui se sont signés mais qui n'ont pas envoyé qui ont tenu à ne pas développer un propos en ligne. C'est tout d'abord Boeuf Bourguignon, que je salue, qui devrait bientôt retourner chez elle. Elle se reconnaîtra, elle comprendra. Et elle nous a fait un don de 0,5 Monero. Salut à elle et bonne chance pour son retour. Et deuxièmement, c'est Celt. Il nous a fait un petit don aussi. J'ai plus tout à fait le montant en tête. Mais il se reconnaîtra, il voulait nous faire un petit coucou, je lui passe... Je crois que c'est 007 Monero. Oui, je crois que c'est ça, mais je ne suis pas certain, 007, c'est comme Jet Bond. Je ne sais pas exactement, je ne peux pas garantir à 100%, mais si c'est le cas, qu'il ne nous envoie pas s'il y a une erreur sur le montant. Merci à Celt. Alors messieurs, attaquons cette émission sans aucune transition. Alors... Autisme radical, rubrique numéro 1, c'est assez léger, hein. On ne va pas non plus s'étendre très longuement là-dessus, mais c'est rigolo parce que derrière le caractère anecdotique de cette petite affaire, il y a quand même beaucoup de choses qui se donnent à voir. Alors, de quoi est-ce que je parle ? Eh bien, c'est un clip qui a été monté par les jeunes avec Emmanuel Macron. Vous savez que dans les partis politiques, il y a souvent comme ça des organisations de jeunesse, ou en tout cas prêtant tutelle, qui essayent d'entraîner des militants plus jeunes, essayent de porter la bonne parole auprès de jeunes électeurs. Et alors, Emmanuel Macron a bien sûr son petit mouvement de jeunesse, et ils ont créé un clip qui a vocation à les mobiliser, hein, à les convaincre d'aller voter pour Emmanuel Macron, puisque nous sommes en pleine élection législative. Le premier tour a eu lieu, on va en parler, le deuxième est aujourd'hui, au moment où je parle. Et ils se sont dit, il faut qu'on parle à notre électorat, il faut qu'on le convainque d'aller voter, on va présenter des arguments pour aller voter. Eh bien, ils ont fait un petit clip vidéo qui a fait son office. Hein, voilà. Et ça a tellement fait rigoler tout le monde qu'il a été vu, je crois, 500, 600, 700 000 fois sur Twitter. Il est devenu viral, mais pas pour les raisons visées par les jeunes avec Macron, par les macronistes. Hein. Au contraire, il a été la risée des réseaux sociaux. Pourquoi ? Eh bien, on écoute un petit extrait et on se retrouve tout de suite. Mais c'est pas possible ! Le pitch, c'est au secours, si les mélenchonistes gagnent, je pourrais pas aller en week-end à Marrakech. Alors, je vais, je vais vous donner la parole, mais avant, je vais commencer par un commentaire d'Europe Écologie Les Bruns, qui faisait suite à la publication donc, de l'article par rapport à cette vidéo, justement. C'est Antisémite Anonyme qui s'exprime et qui dit ceci. « Le pire, c'est que sociologiquement, je reconnais mes amis et moi-même à travers la petite macroniste jeune cadre dynamique, donc de la vidéo hein, qu'on voit marcher dans la rue et qui découvre, qui apprend que Mélenchon a gagné, donc ça y est, c'est fini, un peu plus à la Marrakech. » J'avais d'ailleurs eu une engueulade au moment du Covid avec un de mes potes, qui représente vraiment ce milieu jusqu'à la caricature, qui, prenant l'avion deux fois par mois, m'expliquait, je cite, « Ah mais tu comprends, avec mon mode de vie, je n'ai pas le choix que de me faire vacciner. » Le pire, c'est que derrière, ce sont ces cons-là qui viennent te parler d'écologie. Alors franchement, au regard de l'état du pays réel, les bourges n'ont pas à rougir devant les prolos. Mais par contre, leur suffisance et leur hypocrisie en fait certainement une belle bande de tête à claque. Le jour venu, les premiers de cordée, donc ça c'est l'expression de Macron, hein, ne devront pas être surpris de se retrouver avec cette même corde, peut-être sur une partie du corps que je ne citerai pas ici pour des raisons de bienséance et de pacifisme hein, de la part de l'émission. Hein, vous savez que ça fait partie de notre ADN. Hein. Voilà, donc il termine en disant « Ah, ça ira, ça ira, ça ira hein, !» le fameux chant révolutionnaire. Alors, qui veut réagir à ce qui effectivement est anecdotique, mais ça, si ça a tourné aussi massivement sur les réseaux sociaux? Ça me fait penser à un clip qui avait circulé au moment du confinement. C'était une reprise de Jean-Jacques Goldman. Au lieu de emmène-moi, c'était vaccine-toi. C'était vaccine-toi, vaccine-toi. Et c'était un truc totalement ridicule. Alors, pour faire un clip comme ça, je pense qu'il y a des financements. Alors, il y avait un androgyne, trois filles. Ils étaient complètement ridicules. Quand on ressort la vidéo maintenant, ça veut rien dire. Ben ce truc-là, un peu comme il le dit notre auditeur là, le jour où il y aura une bascule, on ressortira ce genre de clip. C'est sûr, ce sera pas trop glorieux pour eux. Je n'ai pas vu ce clip-là, celui dont tu parles. Qui d'autre sur ce clip avec la minette macroniste là, terrorisée à l'idée de pas aller à Marrakech? Déjà, ce clip, pour l'avoir fait, enfin pour l'avoir monté. D'abord, moi j'ai cru que c'était un gag. J'ai cru que c'était contre Macron. Mais pas du tout. Donc, ce clip, ça montre bien à quel point l'égoïsme, dans certaines couches sociales, est ancré dans notre société. Car ça montre que pour motiver les citoyens, ces citoyens doivent être directement touchés dans leur petit plaisir personnel. Là, c'est vraiment minable. Je veux dire, c'est un week-end à Marrakech, je vais pas pouvoir le faire, et j'en suis désolé. Donc voilà, vraiment, pour espérer que les électeurs se rendent aux urnes, on en arrive à des, j'allais dire, à vouloir les hameçonner par des petites choses comme ça. C'est vraiment ton petit truc. Mais ça me rappelle la chanson des Enfoirés. Vous savez, pour les Restos du Cœur, dans les années 80, moi j'étais adolescent, Et je me souviens d'une parole qui m'avait extrêmement choqué, mais c'était déjà ce petit clip en gestation. Il y en avait un qui disait « J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout vous dire, ça gâche un peu mes plaisirs. Ce n'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui n'ont rien, mais ça le deviendrait si on n'y changeait rien. » J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir, et pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. Donc, sous-entendu, la pauvreté en tant que telle, je m'en contrefiche. Mais vous comprenez, cette pauvreté, elle gâche mes petits plaisirs. Donc, faut faire quelque chose. Et donc, déjà, à l'époque, ça m'avait carrément frappé. J'avais dit, voilà, finalement, ce mec, les pauvres, ils s'en moquent, mais, voir des pauvres, ça me gêne, ça, je veux pas trop y penser, alors faut faire quelque chose. Et là, je m'étais dit, on est vraiment dans le dernier, dans le soubassement, de l'individualisme absolu, enfin, de l'égoïsme absolu. Mais ce qui est aussi affolant, c'est de savoir que c'est pas nouveau. Je veux dire, c'est pas Macron, c'est pas les Restos du Cœur, il y a une trentaine d'années. Non, non, c'est beaucoup plus ancien. Et comme ma spécialité, c'est l'histoire, je peux en parler un peu. Écoutez ce que disait Drummond en 1889. Il parlait des gens du monde. Hein. C'était ça, c'était les futurs boomers, c'était tous ces gens-là. Et il disait, enfin il écrivait, « Il y a tout en eux une indifférence implacable pour tout ce qui ne les touche pas, une impuissance qui semble inguérissable à comprendre certaines choses très compréhensibles cependant, un manque absolu de largeur dans les vues, un entêtement sot dans certaines préventions et en même temps, chez les mêmes, quand la passion enfantine est en jeu, sous-entendu quand ils sont eux-mêmes impliqués, une malléabilité incroyable, une tolérance qui touche au cynisme, une facilité à accepter tout, à passer sur tout, avec un grand air souriant, une aisance devant laquelle, devant certaines situations malpropres que n'aurait pas la bourgeoisie. » Voilà, ça c'était écrit en 1889, c'est-à-dire qu'il a plus de 130 ans. Drummond se plaignait déjà, je veux dire, de tous ces gens qui pouvaient passer devant certaines situations en s'en moquant, mais complètement. Voilà. Donc, ce n'est pas récent, et ce clip, au-delà de son caractère anecdotique, tu l'as bien dit Gandalf, ce clip pose cette question-là. Et ça veut dire que dans certaines couches de la société, et même dans beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, c'est ça. Tout ce qui ne me touche pas directement dans mes petits plaisirs, un petit week-end à Marrakech, non, tant que je ne suis pas touché, il peut se passer n'importe quoi, je m'en fous. Dirais-je pour être un peu vulgaire. Alors, j'en terminerai en disant que, au-delà de la dénonciation, il y a deux questions essentielles qui se posent. Pourquoi cet égoïsme qui est de plus en plus partagé d'ailleurs? Et surtout, comment remédier à cela? Alors, je ne prétends pas apporter les solutions, hein, mais le pourquoi me semble avoir personnellement deux causes. D'abord, on est dans un pays qui est totalement déconnecté de son histoire, sauf pour l'Holocauste, naturellement. Ben ça, tout le monde doit le savoir et en tirer les leçons. Mais autrement, complètement déconnecté de l'histoire, demandez à un jeune Napoléon III, c'est quand, c'est qui, c'est où. Demandez-lui même de réciter un tout petit peu la chronologie des rois de France. Vous allez avoir un désert. Or, quand un pays ne s'inscrit pas dans une histoire, les citoyens ne sont plus reliés. Parce que c'est l'histoire commune, c'est ce qu'on appelle la légende nationale qui relie les citoyens. Et gommer cette histoire... Et le peuple devient automatiquement atomisé. Or, justement, Tony Alatrella prévenait, l'individu solitaire, c'est lui qui parle, c'est pas moi là, hein, l'individu solitaire, sans filiation, sans tradition et sans possibilité de s'inscrire dans une histoire, se vit dans l'immédiat, sans se soucier des conséquences sur les autres et sur la société de ses faits et gestes. Et c'est exactement que c'est cette petite boumeuse, elle ne s'inscrit pas dans une histoire, elle est sur les réseaux sociaux, elle est dans son petit boulot, c'est tout ce qu'elle voit, elle rentre le soir chez elle, c'est tout, et elle en est donc à dire, ah c'est mon séjour à Marrakech qui est vraiment le plus important. Et c'est vraiment une des causes à mon avis, c'est ce manque de lien dans l'histoire. Mais il y en a une autre à mon avis plus profonde encore, c'est que au fond, cette société matérialiste, elle nous présente la vie comme entièrement dénuée de sens, parce qu'elle se termine par le néant. Donc, comme tout se termine par le néant, à quoi bon faire des efforts pour les autres, puisque ça sert strictement à rien, puisque de toute façon, après, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espoir d'une rétribution après la mort pour ce qu'on aurait fait de bien, par exemple. Il n'y a rien de tout ça. Or, ce problème, à mon avis, il est capital, parce que dans un ouvrage paru en 1850 et intitulé « La décadence de la France », donc en 1850, c'est pas 1968, hein, c'est 1850, eh bien un auteur écrivait « Lorsque dans une nation, le grand nombre croit que c'est du prix de ne pas jouir de la vie et qu'après la mort il n'y a plus rien, alors la grandeur et la décadence peuvent se toucher. » Il avait raison. Et 28 ans plus tard, un autre auteur lança « La civilisation, la société et les mœurs sont comme un chapelet, donc un collier de perles si vous préférez, dont le nœud est la croyance en l'immortalité de l'âme. Ôtez ce nœud, tout s'en va. » Et voilà pourquoi plus proche de nous, Tony Intrella, encore lui, qui est un auteur qui n'est pas de notre bord, mais qui a des analyses très bonnes, il prévenait « Sans une conception spirituelle de l'homme dont nous avons pourtant hérité, il est difficile d'être sensible à une autre vérité que celle de ses intérêts immédiats. » Et c'est tout à fait cette petite boumeuse, ces enfoirés de l'époque des restaurants du cœur, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent penser la société qu'à travers leur petit plaisir à eux, parce qu'ils n'ont rien. La vie n'a pas de sens, ils sont là, mais bon, demain ils seront plus là. Après moi le déluge, comme dira une Russe bientôt, hein, qu'on entendra, enfin qu'on dira. Et voilà, donc c'est pour ça que à mon avis, si on veut remédier à cela, à la base, il faut poser la question de la spiritualité. Et je ne dis pas de la religion. La religion est incluse dans la spiritualité, mais la spiritualité dépasse largement la religion. Quelle image avons-nous de l'homme, de l'être humain? Et tant qu'on n'aura pas posé cette question, eh bien, on sera forcément dans une société de boomers. Voilà ce que je voulais dire à partir de ce petit clip qui, comme tu le dis, Gandalf, paraît anecdotique, mais qui révèle plein de choses, et pas seulement ce que je dis, sûrement d'autres. Hein. Voilà ce que m'inspirait ce petit film. Oui, c'est très intéressant, parce que dans ta bouche, tu dis finalement, le boomer, alors il y a le boomer qui est très... qui est l'homme de 68, en fait. Hein. Le boomer, c'est ça, c'est l'homme vieillissant de 68, c'est aujourd'hui quelqu'un qui a 70-75 ans, ou un petit peu avant. Bon, un boomer, chronologiquement, c'est quelqu'un qui est né entre 45 et plus ou moins 65-62. Bon, donc c'est quelqu'un qui est marqué par une certaine époque, qui a certains réflexes, voilà, qui porte une certaine culture, etc., que tu as très bien décrit. Mais tu dis, et ça c'est intéressant, je trouve ça c'est vraiment intéressant, tu dis, bah, en fait, l'archétype du boomer, quelque part, il était déjà préfiguré sous la plume de certains auteurs, même au 19e siècle. Il y avait déjà des gens qui disaient, ah, là, dans la bourgeoisie, là, il y a des éléments individualistes... peu importe ce qui se passe autour d'eux, ils s'en foutent complètement, ils ne se sentent liés par rien, et du coup, comme tu l'as très bien exprimé, bon, bah, je paraphrase un peu, mais en gros, voilà, comme ils ne se sentent liés par rien, ni face à l'éternité, ni par leur prochain, eh bien du coup, ils se disent, bon, bah, moi je m'en lave les mains, ouais. au mieux, la pauvreté est une espèce de chose désagréable qui donne mauvais goût aux aliments, alors ça serait bien qu'on l'évacue de ma vue. Et alors, s'il faut donner un petit peu d'argent, bah donnons un peu d'argent. Mais voilà, moi, je veux pouvoir vivre ma vie paisiblement. Et voilà. Et donc, en fait, ça nous donne des gens qui consomment sur l'instant. Et oui, c'est très bien résumé. Donc, c'est intéressant comme point de vue. Sobieski. Écoutez, moi, je vais faire venir un ami à moi qui s'appelle Saint-Claude Van Damme et il va vous donner la phrase du jour. J'adore les boomers. Dans 3 ans, il n'y en aura plus. Non, mais plus sérieusement, Vincent, je pense qu'il a tout dit. C'est-à-dire que ces gens-là, ils prétextent se soucier des pauvres, alors qu'en fait, ils n'en ont rien à faire. La preuve, c'est que dernièrement, les types sont en train de poser de partout dans Paris des obstacles, des obstruants pour empêcher les SDF qu'ils ont créés avec toutes leurs conneries néolibérales, en faisant délocaliser de partout, en ubérisant le monde du travail français. Ils ont tout détruit Et ben, qu'est-ce qui reste à la fin? Non, non, ils vont pas laisser Clodo qu'ils ont créé eux-mêmes dormir près de chez eux. Non, non, non, non, ils créent des systèmes. Oui, ils empêchent. Ils créent des obstruants sur les bancs. C'est-à-dire que vous dites ah c'est pour séparer, pour qu'il y ait trois personnes sur le banc. Non, en fait, c'est juste pour empêcher les SDF de dormir. Pareil, ils mettent des systèmes devant les résidences privées pour balancer de l'eau quand au cas où il y a un SDF qui voudrait dormir. Donc ces gens-là sont vraiment la pire espèce qu'il puisse y avoir, parce que ces gens-là sont d'une hypocrisie, c'est-à-dire que ils se soucient du lointain, mais par contre ce qu'il y a devant chez eux, ils s'en contrefichent. Et donc moi tout ce que je souhaite, c'est de les voir rapidement disparaître, et je pense que les prochaines années qui vont s'annoncer assez difficiles vont voir leur disparition. En tout cas, je les souhaite, parce que ces gens-là sont vraiment la lie de l'humanité. Cette génération est vraiment une génération à bannir de l'histoire, en fait. Eh ben, j'espère que ça va se produire. Je voulais, juste avant qu'on passe à la rubrique suivante, souligner un point qui m'a beaucoup marqué dans la communication de ce clip. C'est qu'à un moment donné, Effet le reproche. Vous savez, en fait, donc Mélenchon est élu, et la fille consulte son smartphone, et elle voit, voilà, Mélenchon est élu, et il y a la série des premières mesures de Mélenchon qui sont annoncées, quoi. Et alors, ils disent, voilà, grosso modo, on peut plus prendre l'avion, au nom de l'écologisme, de la religion, du climat, parce que c'est devenu une religion aussi. Il y a plein de sous-religions maintenant, il n'y a pas que ça, hein, il y en a d'autres. Hein, dans la religion de l'Holocauste, on en a souvent parlé, mais il y a la religion du climat, espèce de, comme ça, de millénarisme, et... il y a le message, voilà, on peut plus prendre l'avion, quoi, parce que, je sais pas quoi, ça pollue, ou je ne sais. Ça fait monter la température. Et c'est très étonnant, parce que le discours macroniste, qui s'inscrit dans le narratif de Davos, fait sien le millénarisme écologique. C'est-à-dire que Macron dit, attention, réchauffement climatique, c'est horrible, on va devoir prendre des mesures, etc., etc. Et j'étais très surpris de voir dans ce clip, pour s'adresser aux jeunes bourgeois, de ces jeunes privilégiés qui votent Macron, ou qui pourraient voter Macron, de voir qu'un des arguments, bah, c'est bah, « non, mais moi j'ai envie de m'éclater à Marrakech et, voilà, pendant un week-end, voilà, j'ai pas envie non plus qu'on m'empêche de prendre mon avion, quoi. » Et là, je me dis « c'est étonnant quand même !» Et je crois que c'est une contradiction fondamentale aujourd'hui qui existe, une tension fondamentale qui existe aujourd'hui au sein du système, d'accord, qui est celle, enfin, il y a deux impératifs. C'est à la fois, il suscite des crises très largement imaginaires pour justifier le contrôle des masses. Donc ça peut être le Covid, ça peut être le climat, pour faire passer toute une série de mesures qui sont des mesures de reprise en main économique et sociale des populations, hein, faire baisser les niveaux de vie, enfin essayer de justifier la baisse radicale des niveaux de vie, etc. Donc ça c'est un impératif de crise, très clair. Et de l'autre, l'impératif de consommation. Donc on dit aux gens, il faut consommer, il faut dépenser. C'est très important pour l'économie. Donc on leur dit, allez vous éclater, allez à Marrakech, et ça c'est très bien, c'est cool, c'est ouvert, on est une jeunesse cosmopolite, interconnectée. Et puis de l'autre, ça percute l'impératif de, entre guillemets, sobriété, vous voyez. Alors c'est la sobriété heureuse, n'est-ce pas, mais en fait c'est pas du tout heureux, c'est ce qu'ils nous promettent, en fait c'est la RDA en réalité, simplement parce que les États sont complètement criblés de dettes et ils ont pas le premier sou en réalité, donc c'est la fuite en avant. Et puis surtout, la sobriété, ils la promettent pour les gens d'en bas, pas pour eux et leurs copains, parce que les Parisiens, eux, pour eux, la sobriété, c'est rouler en trottinette et faire la fiesta. Nous, ça veut dire on va manger du pain et finir la fiesta, quoi. Alors, messieurs, passons à la rubrique suivante. Courrier des lecteurs. Comme vous le savez, vous êtes invités tous, chers auditeurs, à nous envoyer un message si, sur un sujet qui vous paraît important, que vous avez observé vous-même dans votre vie et qui pourrait servir à tous ceux qui nous écoutent pour peut-être réfléchir sur un cas d'école, voilà, qui mérite réflexion. Alors, je vous lis ça tout de suite. Alors, d'abord, on va quand même donner le nom de la personne qui nous écrit. C'est Partisan K. Voilà, c'est Partisan K qui nous fait part un petit peu de sa blasitude, hein, on peut dire ça comme ça quand même, parce que là, on a gros sur la patate, par rapport à que cette personne a vu en France. Alors, voici. Bonjour à nouveau aux camarades démocrates. En écoutant la nouvelle émission 19 et les courriers des lecteurs des autres émissions, je ne résiste pas à apporter ma petite et modeste pierre à cet édifice de témoignage. Il est sûrement trop long pour l'émission, mais je tiens à vous en faire part. Comme je vous l'ai écrit plus tôt, je suis en France depuis 5 ans. Pas pour la CAF, je vous rassure. Par contre, je paye des impôts, et beaucoup trop à mon goût. Sûrement pour financer le nouveau centre pour mineurs isolés, la transition de genre de Lilian 6 ans, les écoles non genrées ou l'élargissement des trottoirs. J'habite dans une ville bretonne, ni Brest, ni Rennes. Bref, vous voyez sans doute, y en a quand même quelques-unes de villes hein, en Bretagne. Je vous passe le dessin. Donc là, il nous fait une petite description de la sociologie. Alors donc, boomer plus bobo startup nation de centre-ville et du littoral ultra cher. Bah là, on vient d'en parler, hein, voilà, avec le clip là, qui s'adressait à ce type de public, hein, des macronistes. Ou alors des turbo-nègres et bougnoules, burqa incluse, du péricentre, là où il y a les HLM, logiquement. Et depuis environ 2 ans, des espèces de Pakistanais, d'Indiens ou d'Afghans, de races que je ne saurais définir, mais chez qui la bêtise et la consanguinité se lisent sur leurs traits. Ah bah oui, bah ça je vois ce qu'il veut dire, hein, de toute façon. J'ai appris le français il y a des années, par amour de la France, premièrement, mais aussi pour le métier que j'exerçais en Russie, qui exigeait d'être polyglotte et de ne pas avoir d'accent ou presque. Donc je parle français, anglais, russe et géorgien, nous dit notre auditeur. Quelle ne fut pas ma surprise de constater l'ethno-masochisme monstrueux et l'inculture crasse des Français. J'étais telle une Japonaise découvrant Paris, choquée, perdue. Oui, effectivement, le syndrome de Paris qui est assez connu. Cette haine, je dis bien cette haine de soi, de sa culture, de ses traditions, ne se retrouve nulle part ailleurs. J'ai fréquenté des milieux ultra-gauchistes, des aides type Resto du Cœur et compagnie, pas pour moi, Inch'Allah, comme on dit en France, car je n'en ai jamais eu encore besoin, mais en tant que traductrice pour des compatriotes. Et là, dans les structures type Resto du Cœur, Secours Populaire, Coalia, Asti, que des boumeuses blanches, des PAN, hein, donc des pannes, vous savez ce que c'est, hein, de minimum, donc des putanais, hein, pour ceux qui sont, de minimum 45 ans, et des bourges catho-vatican II, dont le mari est médecin ou avocat, et qui n'ont rien d'autre à foutre que d'aller au peuple. Des différences énormes de traitement entre des familles russes et des nègres. Elles adorent le nègre. Elles sont plus sèches avec le bougnoul, mais le nègre est vénéré, littéralement vénéré. Elle donnait aux familles russes, pourtant déjà heureuses d'avoir un repas gratuit, mais sans doute trop blanche à leur goût, quelques fruits gâtés et des poissons congelés, périmés pour 2 adultes et 2 enfants. Quand le nègre, de 25 ans vivant seul, ressortait chargé de yop, de chocolat de marque Côte d'Or, de chocolat Banania, quelle ironie, et de cheeseburger. J'ai questionné, on m'a répondu que c'était dans leur culture de manger dehors et facilement, et que si on leur donnait des légumes, de toute façon, soit ils les refusaient, soit ils étaient jetés en rue, à la rue en public. Ma prise en charge de ces familles russes durait au maximum 2 à 3 mois, car elles trouvaient du travail et jugeaient ne plus avoir besoin de charité. Certaines femmes rendaient la monnaie de l'aide reçue en y travaillant bénévolement à leur tour dans ces structures. Mais quand j'y retournais avec d'autres familles, je voyais toujours les mêmes tronches de bougnoules et de familles de babouins. Venant depuis des années chercher leur dû. Oui, leur dû. Et croyez-moi, le nègre est certes sale chez lui et sur lui, mais d'une exigence insensée chez les autres. Pour ce qui est de mon cas, comme le camarade intervenant dans l'émission, j'ai aussi connu les geôles françaises à la MAF de Rennes, pour être précise. Donc c'est une femme qui nous écrit. Prison exclusivement féminine, avec un quartier mineur, en haut de 3 ou 4 cellules seules. Les surveillantes y sont soit gouines, soit des pannes endurcies, nous dit-elle. La major est une sorte de gauchiste assistante sociale sexagénaire. Les détenus sont, alors là, elle nous donne des profils de détenus, pour la plupart, 60% des cas sociaux français, donc des femmes, hein, complètement complètement africanisé mentalement, semi-clocharde, écoutant du Damso, souvent sous méthadone ou subutex, avec un ou plusieurs négrillons placés ou chez les parents, car père évidemment absent, ou et il y a environ 20% qui sont des négresses de type mama africaine, hein, condamnées pour proxénétisme, trafic d'êtres humains, etc. Donc là, on est plutôt dans le, oui, dans la prostitution. Hein. Elles restent entre elles et ne parlent souvent pas français. En revanche, elles vont toujours à la messe catholique. Ah, intéressant ça. Ça nous situe à peu près la zone géographique. Hein. Là, on est sur le Congo, des choses comme ça. Hein. 20% enfin sont des roumaines. Qui sont en fait des Roms, donc des populations d'origine Rom, condamnées pour quelques trafics de bas étage. On allait ensemble à la messe orthodoxe une fois par mois. Et oui, puisque les Roumains sont orthodoxes, donc les Roms compris, et que notre auditrice qui nous livre ce témoignage est russe, donc orthodoxe aussi. Il y a étonnamment très peu de moukers, une seule quand j'y étais, donc femme voilée, hein, musulmane hein, d'Afrique du Nord, car elles ont cette capacité de rat à passer entre les mailles du filet en pleurant et en jurant que « Voilà, c'est pas moi, c'est mon mari, moi j'y suis au courant de rien ». La seule qui était là-bas était une voilée intégrale, dehors, mais à la prison, c'était interdit. Ils ont mis une arrivante dans sa cellule, et en 5 jours chrono, cette Française faisait la prière à 5 heures du matin. Donc voilà, elle explique que donc il y avait cette probablement une islamiste radicale voilée de pied en cap. On lui a collé dans sa cellule une Française pour vivre, enfin pour occuper l'autre place, et en 5 jours, elle a été convertie à l'islam. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Bel exemple d'intégration. Un bel exemple d'intégration, ouais. Donc, ils ont déplacé la moukère car, je cite, trop prosélyte et l'administration a eu peur de radicalisation. Tu m'étonnes. J'ai été tout d'abord très mal accueilli car blanche, par des blanches elles-mêmes. Puis, quand elles ont su que j'étais russe, ah! Alors ça va. Toujours cette haine de soi française. J'en ai frappé salement une qui croyait pouvoir me racketter en salle de sport pour mettre les pendules à l'heure et servir d'exemple. Mais j'ai été fort bien respecté tout le reste de ma peine. Je n'ai pas eu d'histoire. Pour ce qui est des Français hommes de ma ville, alors là, ce sont des sous-hommes en Birkenstocks qui baissent les yeux en passant devant des babouins et des arabes en serrant leur téléphone dans leurs mains moites de skinny fat. Des boomers, allons-y quoi, qui s'en foutent de cette déchéance. Bon, on vient d'en parler. Car après eux, le déluge. Et puis, je cite encore, la France, c'est la diversité, le multiculturalisme. C'est ça qui est beau. Hein. Bon, par contre, pas dans mon beau quartier du littoral, s'il vous plaît, ça va faire dévaluer mon pavillon. Et enfin, des vaccinolâtres agressifs qui vous sautent dessus pour le port du masque ou autre connerie. Hein. Non contents d'exercer une fois dans leur vie un semblant de début d'autorité, donner du pouvoir à un faible, nous dit encore notre auditrice, vous connaissez la musique. Et depuis 2 ans, des putains d'hommes vagins en robe, oui monsieur, en robe, donc des travelots. Hein. Je déplorais le fait que la robe soit de moins en moins portée, mais je ne pensais pas qu'elle serait remise au goût du jour par des hommes. Donc je vous laisse imaginer vous promener dans le centre-ville, enjambant le clochard français, donc bien français celui-là, et la grosse Rome allongée par terre, des bobos Startup Nation à trottinette électrique zigzagant autour de vous, des gays virevoltants en se tenant la main pour bien nous mettre sous le nez qu'ils sentent un dans le privé, et vous marchez en essayant de ne pas vous faire alpaguer par Caroline, hein, une panne militante d'Amnesty International ou de Greenpeace qui vous fait siffler, ou vous faire siffler par Hakim et ses dealers algériens, regardés de haut en bas tel un mouton alaïde, par ces donc sous-races non identifiées, type afghan, etc. Dans les parfumeries ou magasins de vêtements plus chers, que des boomers et des PD, comme ça, à l'air libre, au vu et au su de tous. Je suis très triste de voir la France dans cet état. Je vous lance un appel, le constat est partagé maintenant. Que faire, nous, blancs, à notre échelle? À part des enfants, bien sûr, nous dit encore notre auditrice. J'essaierai de vous faire des dons réguliers pour vous soutenir. En ce moment, ma situation est moyenne, cause Covid, etc. Salut Romain! Et donc, c'est salut Romain, donc AV, hein. C'est signé Partizanka. Alors, merci pour ce témoignage, très, très, très édifiant, s'il en est, c'est sûr. Alors, je donne la parole maintenant à nos auditeurs. Je vais commencer avec Sobieski. Non, je vais commencer avec Hydromel. Hydromel, tu voulais dire quoi par rapport à ça? Oui, j'aurais quelque chose à dire. Bah, déjà, je remercie le message, avec toutes les anecdotes croustillantes, on a dit la conversion de la femme française dans la prison, le fait qu'il y ait des Pakistanais qui arrivent depuis 2 ans en Bretagne, ça c'est important de nous informer de ça parce qu'on est, les gens ne sont pas forcément au courant. Mais je vais aller directement sur sa question sur la faim, parce qu'on est tous d'accord sur le constat. Et en fait, elle demande quoi faire. En fait, face à cette situation, je pense qu'il y a plus ou moins 2 grandes positions possibles. C'est soit on déprime parce que démographiquement, si on se projette, c'est compliqué de voir un avenir. Soit on a de l'espoir, c'est-à-dire espérer dans un événement majeur qui pourrait occasionner un revirement de situation extraordinaire et faire inverser la tendance. Et donc, mais ça, c'est pas vraiment quoi faire, c'est plutôt comment être. Après, dans quoi faire, moi, ce que je pense qu'on doit faire en attendant qu'il y ait quelque chose de majeur qui se passe pour un revirement de situation, c'est de commencer à s'associer avec des gens sur la même longueur d'onde, que ce soit sur le vaccin, sur le fait que on refuse que les enfants soient enseignés avec des théories LGBT, qu'on refuse le grand remplacement, s'associer avec des personnes et créer des groupes pour rester en lien le jour où ça va basculer. Et le jour où ça basculera, on se mobilisera et puis faudra définir clairement c'est quoi les critères pour être dans ces groupes. C'est-à-dire refus du métissage, le fait qu'on réclame que les étrangers rentrent chez eux, ce genre de choses. Voilà. Donc c'est ce que m'a inspiré son message. Moi, tu dis en fait il faut de la solidarité raciale entre blancs, solidarité ethnique et comment sortir de l'abattement individuel et de se retrouver. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pourrais développer là-dessus. Je vais donner quand même la parole aux autres. C'est vrai que je crois aujourd'hui. C'est un des enseignements d'élection, donc on aura peut-être l'occasion d'en parler dans la deuxième partie de l'émission quand on va parler des élections, mais il y a beaucoup de gens qui se sont investis émotionnellement dans les élections. Je peux comprendre les raisons qui poussent à vouloir s'investir émotionnellement dans les élections, pourquoi on soutient Zemmour, etc. Alors, il y a eu beaucoup d'invectives, vous voyez, ça crée de la division, vous voyez, parce qu'il y a les gens qui votent Marine Le Pen, ils vont dire, oui, mais d'accord, Marine Le Pen, on sait qu'elle a... c'est pas la candidate idéale, mais vous comprenez, il faut voter pour elle parce qu'elle a plus de chances. Et puis il y a ceux qui disent, non, Zemmour, lui, il va vraiment sur l'essentiel, il parle vraiment des problèmes urgents, démographiques, c'est ça le plus important. Et puis vous avez ces gens qui se battent là-dessus comme ça, et pendant 8 mois, 9 mois, 10 mois, les gens pensent que l'élection va faire la différence, ils se passionnent pour un candidat, pour un candidat ou contre lui, et plus rien d'autre n'existe, et malheureusement, viennent les élections et on découvre que non, ça marche pas comme ça, qu'il y a des lourdeurs structurantes dans la sociologie pour des raisons démographiques qui font que les vieux, ils sont 17 millions, ils votent pour leur retraite, excusez-moi, donc ils votent Macron énormément, ça se traduit dans les élections, les jeunes... peu importe leur profil sociologique, votent très peu, ils ne sont pas intéressés parce qu'ils sentent que ce n'est pas pour eux, etc. Et en plus, si on parle des jeunes blancs, alors là ils sont sur une tendance vraiment d'évincement total. Donc, ils sentent que ce n'est pas pour eux, ce jeu-là. Donc, les élections, malheureusement, détournent énormément d'énergie. Donc, pour rebondir sur ce que tu dis, tu as totalement raison. Il faut s'engager dans des activités avec des gens qui sont semblables, qui partagent grosso modo le même constat, qui peut avoir les mêmes peurs ou autres, mais pour créer de la solidarité, on va dire, ethno-raciale en substance, quoi. Recréer, ce que disent les gauchistes d'ailleurs, les gauchistes aiment bien utiliser ça, c'est créer du lien, vous savez, ils disent créer du lien, voilà. Oui, mais entre qui? Créer du lien, oui, entre blancs, ça peut être très très très très utile, surtout en cas de coup dur. Donc, tu as totalement raison d'insister sur ce point, donc je dirais ça. Alors, évidemment, quand on dit ça, on dit, oui, d'accord, mais c'est très général, concrètement. Concrètement, c'est aussi aux gens de prendre des initiatives, quoi. D'accord. Et puis surtout, il faut bien commencer par quelque chose. On commence pas par le niveau 5 sans avoir fait les niveaux précédents, quoi. Exactement. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Ça peut être un club de sport. J'ai des camarades comme ça, ils animent des clubs de boxe amateurs, d'accord, parce que voilà, ils se retrouvent entre eux, ils ont la même philosophie, ils passent un bon moment. C'est pas politique. Tout le monde a les mêmes idées. Mais c'est pas politique, on passe pas deux heures à débattre de la politique, tout le monde est d'accord, vous voyez. Donc on utilise de l'énergie, on se retrouve ensemble, on crée du lien entre camarades, voilà. Et en plus, bon, ça a des vertus viriles et martiales, c'est-à-dire qu'en plus, il y a une pratique sur son corps, sur son psychisme, qui fait que, bah, peut-être en cas de coup dur, si on se fait agresser, bah, on va pouvoir coller une droite et tenir à distance des halogènes. Attention, hein, j'appelle pas à la violence, hein, c'est pas ça que je dis. Ou alors, ça peut être autre chose, ça peut être de la randonnée aussi. Alors attention, je suis pas en train de vous dire, et j'en termine, vous n'allez pas sauver la France en faisant de la randonnée. Hein. Vous sauvez les Blancs en faisant de la randonnée. On est bien d'accord, c'est pas ce que j'explique. Mais si vous voulez créer des liens de solidarité entre Blancs, vous devez mener des activités qui soient des activités de régénération intérieure et collective. Voyez. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Et des initiatives vont être prises. D'accord. Donc, beaucoup de choses peuvent être tentées. Voyez. Et c'est pas forcément extraordinaire, mais ça peut faire la différence au plan individuel et collectif sur des groupes de 10, 20, 30 personnes. Et je sais qu'il y en a qui le font déjà, voilà. Donc ça, c'est une bonne raison, parce que au fond, quand on lit notre auditrice russe, bah, en fait, ce que je vois beaucoup à travers son témoignage, c'est quand même un grand sentiment de solitude. Voilà, je sens la solitude, et c'est pas la première fois que je le perçois. Donc je vois bien qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont isolés, et qui disent, bah, on fait quoi? Et bah, c'est ce qu'a dit Hydromel. Ouais, la première chose, c'est de trouver des gens qui sont comme nous et de se rassembler. Pas pour faire de la politique, ça peut éventuellement, mais pour être ensemble et créer des écosystèmes sains à nous. Voilà ce que je dirais. Et je donne maintenant la parole soit à Sobieski, soit à Vincent. Bon, bah, moi, je voulais. Ça va être assez rapide. Concernant justement cette désillusion et à propos des élections du système électoral, je partage totalement cette opinion, parce que moi c'est ce que j'ai même pu observer. Par exemple, c'est pas pour les attaquer, et je vais justement viser seulement l'élément qui a été le plus prosélyte de Zemmour. Dans le CP, vous avez le fameux Lucien Lachance qui anime l'émission Le Soleil se lève. Le type a fait, voilà, là, il a fait de la propagande pro-Zemmour. Il n'arrêtait pas de vendre le fait qu'on va gagner, on va y arriver, etc. Vous inquiétez pas, les lendemains qui chantent après son élection. Et sauf que, bon, bah, Zemmour, il a même passé le second tour. Donc là, les types se sont dit. Ah ouais, ben il va falloir qu'on réfléchisse à l'après. Ouais, mais ça, en fait, il fallait réfléchir avant, les gars. Vous avez perdu huit mois à gaspiller votre énergie à faire la promo de Zemmour, et maintenant là, vous vous dites, ah, il faudrait peut-être agir. Bah oui. Donc moi, je trouve ça assez désolant, mais sachant qu'il y a, c'est pas les seuls qui ont pu commettre cette faute. Et à côté de ça, moi, je trouve qu'il y a des organisations qui font bien le boulot, pour les connaître un peu. C'est, bah, par exemple, moi, je pense à l'Alvarium. Maintenant, je crois qu'ils existent de manière informelle, ils ont, à cause de Darmanin. Mais quand même, je trouve que c'est des initiatives assez intéressantes, parce que ça a le mérite de rassembler les Blancs autour d'un fond culturel, d'une spiritualité, de quelque chose, et surtout de quelque chose qui produit quelque chose, c'est-à-dire de la cohésion sociale, de la cohésion, des activités, des actions collectives. Donc je trouve que c'est une bonne chose, et ça, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut développer. Et je précise que c'est pas nécessaire que ce soit forcément sous couvert de catholicisme, etc. Peu importe, en fait. Mais l'important, c'est de générer une solidarité entre Blancs autant que faire se peut. Voilà, je pense que... Voilà, il faut regarder du côté des organisations, des sociétés, de tout ce qui génère de l'action, du réseau, de la solidarité, parce que sinon, c'est juste du blabla et ça mène à rien. Vincent ? Oui, alors, moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit depuis le début de cette rubrique. Il faut impérativement créer du lien social entre Blancs. Il est vrai que, comme vous disiez, l'espoir mis dans des élections ou dans quelque chose, vous savez, c'est un espoir qui est trop souvent suivi de désillusions. Sobieski parlait de Zemmour avec raison, Hydromel donc a parlé justement, a dit il faut attendre l'événement majeur, vraiment un événement majeur, parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette apathie, elle est là depuis longtemps, et malgré des événements majeurs. Et encore une fois, je vais juste faire ça, j'en ai pas pour très longtemps, mais par rapport à ma spécialité qui est l'histoire, après les maths et la science, mais regardez ce qui s'est passé en 1940, avec la défaite et l'occupation, et là, si c'était pas un événement majeur qui pouvait réveiller les masses, qu'est-ce qu'il fallait attendre d'autre? Or, même malgré tout cela, le peuple ne s'est pas réveillé. Et je voudrais juste vous citer une petite anecdote. Parce que à partir de 1940, en plus, l'influence des Juifs fut dénoncée dans de très nombreux articles, des films et même des expositions. Il n'y a pas eu que le Juif et la France, il y en a eu d'autres. Hein. Donc, les Français pouvaient parfaitement, après le choc de 1940, 6 millions de réfugiés sur les routes, tout ce qui s'en est suivi, la chute de la Troisième République, le changement par l'État français, les Français pouvaient ouvrir les yeux très très facilement. Or, à son retour en France en 1942, un prisonnier de guerre libéré trouva un pays où rien n'avait changé par rapport à l'avant-guerre. Il y avait toujours des profiteurs d'un côté et un peuple apathique de l'autre. Seule l'identité des profiteurs avait quelque peu changé. On y comptait, et c'est une honte pour notre pays, hélas, on y comptait bien plus de Français de souche qui remplaçaient les Juifs qui avaient été arrêtés ou déportés. Et beaucoup de ces Français profitaient du marché noir et en avaient profité pour établir des fortunes insolentes. Bon, ayant vu ça, ce prisonnier libéré, début 1943, il écrivit une lettre au quotidien Paris Soir et il expliqua: bien que prisonnier, j'ai vu en Allemagne des spectacles plus réconfortants. Je travaillais en commando, c'est-à-dire qu'il ne restait pas dans son camp de prisonnier. Il allait tous les jours à l'extérieur. Ce qui m'a permis de me renseigner sur les conditions de vie de la classe ouvrière. Donc il a vu la classe ouvrière allemande, dont le niveau de vie avait singulièrement augmenté. Et il continue: naïvement, je croyais que la révolution nationale, en France, avait fait bénéficier nos travailleurs des avantages réservés là-bas à ces mêmes hommes. Or, la révolution n'existe ici que dans les mots. Je retrouve la France plus misérable qu'avant, plus abaissée, plus encroûtée dans les mœurs déplorables qui l'ont perdue. J'ai cherché à comprendre. On m'a répondu: les Allemands prennent tout. Et ce pauvre prisonnier libéré pose la question: que dois-je penser de cela? Que se passe-t-il en France? Où en est-on? Et le journaliste répondit: où l'on en est, mon cher prisonnier libéré? Au fond du trou. Et nous y sommes par la faute des Français, non par celle des Allemands. Nous vous dirons, nous, la vérité. Rien n'est changé, en effet, parce que ce sont les Français eux-mêmes qui ne l'ont pas voulu. Ils tiennent à leurs maux, à leurs erreurs, à leurs vices, comme à de vieilles habitudes. Ils préféreront mourir plutôt que de renoncer à leur démocratie, au bulletin de vote, à l'alcool, aux Juifs, aux parlementaires, aux francs-maçons, au fonctionnarisme rongeur, à tout ce qui les a fait descendre où ils sont descendus. La révolution nationale, une bousculade de leurs aises, de leurs manies, de leurs positions acquises. Pensez donc, ils ne sont pas fous, ils n'ont pas joui tout leur soûl. Ils comptent profiter encore, et c'est bien pour cela qu'ils ne veulent entendre parler ni de révolution nationale, ni de national-socialisme. Alors, vive l'Amérique ou l'Angleterre, n'est-ce pas? Et voilà ce qu'il répondait. Eh bien, moins de 2 ans plus tard, cette analyse se vérifia. L'immense majorité des Français accueillit les Américains à bras ouverts. Pierre Laval fut fusillé et le maréchal Pétain condamné à l'internement à vie à l'île-Dieu. Eh bien, la parenthèse de Vichy, du Vichy anti-juif, fut refermée en un clin d'œil, malgré 3 ans d'intense propagande. Elle n'avait, donc cette parenthèse de Vichy, elle n'avait rien pu changer. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je le répète, même si ça déplaît à certains, l'action des Juifs n'est qu'un symptôme. La racine du mal, elle est en nous, elle est dans ce peuple qui, depuis des décennies, je dirais même des siècles, vit avec une vie artificielle et ne veut absolument pas en changer. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, n'espérez pas dans les élections, ne vous battez pas, et tu l'as très bien dit, Gandalf, et Sobieski aussi d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, on dépense une énergie folle dans des élections, on s'écharpe autour de candidats, est-ce qu'il vaut mieux voter Zemmour, est-ce qu'il vaut mieux voter Le Pen, mais ça servira à rien. S'il y avait eu un événement qui avait dû changer le peuple, c'eût été la défaite de 1940, ça n'a rien changé. Donc c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, et en effet, Hydromel l'a parfaitement dit, ce qu'il faut, c'est créer du lien entre nous, créer du lien, créer des amitiés, des réseaux, etc. Alors au début, comme a dit Sobieski, bah, c'est très général, mais il faut bien commencer par quelque chose, hein, encore une fois. Moi, je suis prêt à apporter ma pierre en aidant à des cours particuliers, si on le veut. Mais il faut commencer par quelque chose, et puis après, au fur et à mesure des événements, si on en est capable, si on en est digne, eh bien, ça va se développer. Et quand ça se développera, le jour où peut-être, mais moi je l'espère, le grand crash arrivera, alors là, on sera des groupes bien soudés, on saura quoi faire, on saura qu'on peut compter sur un tel, pour la mécanique, sur un tel, pour avoir de la nourriture, sur un tel, pour avoir des protections, etc. Et là, il y aura quelque chose qui se créera. Mais et en attendant, on peut espérer jouer le jeu des élections, ça me paraît complètement... On peut espérer dans un coup de pouce du destin, pour ne pas dire une intervention divine, parce que lorsqu'on sera déjà préparé. Oui, mais exactement. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ce que j'allais dire. Donc, je pense qu'il faut arrêter aussi de se mettre trop la pression, parce que le problème c'est qu'il y a tout le monde se dit ah ouais mais on est loin quand même, parce que on s'imagine tout de suite le groupe hyper bien coalisé, qui arrive à s'acheter un terrain, à faire ses sessions et tout machin. Enfin, on s'imagine des trucs vraiment très élaborés, mais il faut quand même comprendre que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En attendant, il faut commencer petit. Il faut vraiment arrêter de s'imaginer « Ah, je suis pas assez bon, j'ai pas grand-chose à apporter, etc. » Vous avez toujours quelque chose à apporter, ne serait-ce que votre volonté. Je veux dire, vous n'avez pas besoin d'être le plus fort ou le plus intelligent, etc. Vous avez juste besoin d'être très volontaire. Et ça, c'est ce qui manque le plus. Je veux dire, les gens intelligents et forts, c'est ce qui leur manque pour commander un groupe, c'est des gens volontaires. Donc, arrêtez de vous dire « Ah non, je ne peux pas, je suis pas assez ci, je suis pas assez cela ». Juste faites-le. Je veux dire, vous avez forcément apporté quelque chose. Et vous sous-estimez en fait ce que vous pouvez apporter à un groupe. Pour moi, les gens qui n'apportent rien, c'est ceux qui viennent parasiter. Eux, ils n'ont rien à apporter. Eux, ils n'ont aucune compétence à apporter, rien d'autre que de prendre aux autres. Donc, si vous n'êtes pas comme ça, ne vous rabaissez pas. Et ayez un peu confiance en vous, ayez un peu de fierté. Je suis tout à fait d'accord. Et je tiens juste à dire une minute. Vous savez, moi j'ai commencé, j'avais ma petite machine à écrire que j'avais récupérée chez un copain. J'avais même pas de fric pour m'acheter ma machine à écrire. Et j'ai commencé avec un petit fanzine à 10 exemplaires. Voilà comment j'ai commencé. Seulement, je voulais faire quelque chose. Et il s'est trouvé qu'après, à partir du moment où vous commencez à faire quelque chose dans les faits, la Providence vous aide. Elle vous apporte soudainement un soutien, des connaissances que vous ne connaissiez pas justement. Et tout se met en place. Et Sobieski a tout à fait raison. Ne croyez jamais que vous ne pouvez rien apporter. Ne croyez jamais que votre petite pierre ou votre petit caillou sera inutile. C'est pas vrai. Tout est utile quand il faut résister et essayer de sauver ce qui peut être. Rubrique suivante, les amis. Grand remplacement. Alors oui, il faut quand même parler un petit peu des chiffres. On a parlé un petit peu de ce qui serait souhaitable de faire, et vous allez voir que ça prend toute son importance quand on a les chiffres du grand remplacement sous les yeux. Alors nous vivons un phénomène historique d'une ampleur inédite. Oui, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, j'en ai conscience, mais parfois il faut répéter les évidences parce que, croyez-le ou pas, il y a des gens qui arrivent à ne pas voir l'éléphant rose au milieu du salon. Alors, le grand remplacement, si vous voulez, c'est... Bon, comment le quantifier ? Il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Comment faire ? Tout ça est très empirique. Quand on s'y aventure, on a différents chiffres qui circulent. C'est toute la difficulté, d'ailleurs, de l'écran de fumée qu'entretient volontairement, d'ailleurs, le gouvernement français sur ces questions, hein, c'est-à-dire la volonté de ne pas donner d'ordre de grandeur, contrairement aux pays anglo-saxons, en tout cas anglo-saxons historiquement, puisque leur peuplement est en train de changer aussi. Mais ben, aux États-Unis, on sait parfaitement, grosso modo, de quoi est composée la population américaine, combien de nouveaux venus sont arrivés dans le pays, combien de naissances par groupe ratio ethnique on retrouve chaque année, et on sait qu'aux États-Unis la bascule démographique est prévue pour 2042, plus ou moins. Alors on peut discuter, hein, 2043, 2041, bon, voilà, à quelques années près on peut discuter, mais ce sont des statistiques et des prévisions, des projections qui sont proposées par le gouvernement américain. Hein. Il n'y a aucune espèce de tabou aux États-Unis sur la question raciale et migratoire, aucune. C'est-à-dire que les chiffres bruts sont accessibles à tous. Grande différence avec la France, très grande différence avec la France. Donc aux États-Unis, le grand remplacement n'est pas quelque chose de nébuleux, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement chiffrer. Alors en France, on doit utiliser d'autres moyens, et il y a un moyen qui n'est pas parfait, hein, j'en ai conscience bien sûr, mais qui recoupé avec d'autres éléments nous donne quand même un ordre de grandeur qui me paraît assez pertinent, c'est le dépistage de la drépanocytose. Alors, certaines personnes le critiquent, disent que c'est pas la meilleure façon d'eux. Moi, je pense que c'est un outil. C'est un outil qui, quand on le conjugue avec d'autres, nous permet quand même de mesurer la chose. Alors, le centre de dépistage néonatal donc, a publié les chiffres pour l'année 2020. Alors, je précise que la drépanocytose est une maladie dont le dépistage ne cible que les populations pratiquement allogènes, c'est-à-dire les populations asiatiques, africaines, orientales, et certaines populations du sud, enfin, méditerranéennes. Hein. Donc on a quand même on sait que c'est pour certaines populations. Alors, ça peut arriver que dans certains hôpitaux, certains enfants blancs aient été dépistés. Je pense que c'est essentiellement parce que dans cet hôpital-là, on n'a pas cherché à affiner, mais normalement, ça vise que ces populations-là. Alors, on voit l'augmentation progressive, voilà, lente mais progressive, et en 2020, ont été dépistés sur 740 000 naissances en France cette année-là, 340 000 nouveau-nés, ce qui veut dire que 340 000 nouveau-nés sont susceptibles de contracter cette maladie, donc ont été dépistés. Et comme je l'ai dit, cette maladie ne visant que ces populations extra-européennes, principalement, eh bien, on peut se dire que, grosso modo, 340 000 naissances sur 740 000 sont extra-européennes en 2020, c'est-à-dire 46% du total. Alors, ça pourrait discuter, j'en ai conscience, hein, mais voilà, c'est une évolution qui se poursuit, parce qu'on voit le dépistage année après année depuis de nombreuses années, en fait. Il était encore, je crois, à peu près à 38% en 2016. Il était encore plus bas, évidemment, les années précédentes. Un fait tout à fait observable, et j'ai vu que certains s'étonnent de certains chiffres, hein, notamment en Île-de-France, où ils disent « Oui, mais quand même, l'Île-de-France, regardez, il y a 129 000 nouveau-nés dépistés, c'est 75-76% du total. Ça paraît pas probable. » Alors, d'abord, un fait tout à fait remarquable, c'est que l'Île-de-France a atteint un plateau et commence même un peu à baisser. C'est-à-dire que l'année précédente, en 2019, il y avait 130 000, un peu plus de 130 000 nouveau-nés dépistés en Île-de-France. On a atteint un plateau en Île-de-France, c'est-à-dire qu'on est à 75% de dépistage. Alors, il peut y avoir des enfants blancs qui sont dépistés, etc., parce que, justement, il y a tellement, si vous voulez, d'allogènes qui naissent, en fait, ils prennent même plus la peine de ne pas dépister les blancs, en fait, si vous voulez. Ils font un lot pour le tout. Hein. Bon, et les gens, mais certaines personnes disent, mais c'est pas possible, etc. Mais si, c'est totalement possible. Pourquoi ? Parce que, par ailleurs, dans toutes les régions de France, ça continue d'augmenter et d'augmenter très très vite. Donc, nous avons un plateau en Île-de-France et nous avons une augmentation qui s'observe partout ailleurs. Alors, pourquoi ? Parce que l'Île-de-France est la porte d'entrée de l'immigration en France. Et oui, c'est là où sont les grands aéroports. C'est là où les étrangers veulent aller. Quand ils veulent aller en France, ils ne disent pas « je veux aller à Marseille ». Non, ils disent « je veux aller à Paris ». Sauf quand par hasard, ils ont de la famille sur place, et là, ils vont aller dans la ville qui les intéresse. Hein. Mais on va d'abord à Paris. Donc, c'est la porte d'entrée. Qui c'est qui migre ? C'est les populations très très jeunes, en général. Donc, ce n'est pas du tout étonnant que, en transit, si vous me permettez l'expression, des familles extra-européennes qui viennent en France et qui passent par Paris et qui restent sur place pendant 2 ou 3 ans avant d'être déplacées par les services sociaux et autres dans des régions périphériques, eh bien, accouchent sur place. Ce qui fait qu'on a comme ça ce chiffre qui jaillit, mais on a un phénomène de plateau qui peut s'expliquer très simplement, parce qu'en fait, on a constamment une immigration intérieure, c'est-à-dire de Français de souche qui vont travailler à Paris, qui font des enfants à Paris, et là, on a une espèce de bloc irréductible, et on peut avoir un phénomène de surdépistage à cause du flux tendu, parce qu'il y a 40% de l'immigration qui reste à Paris, hein, sur toute la France. Hein. Paris est vraiment un aimant à immigrer traditionnellement. Voilà. Donc s'il y a des gens qui se demandent pourquoi il y a autant de dépistage en Ile-de-France, ça ne me paraît pas possible, c'est à cause de ce phénomène de flux qui peut-être n'est pas très bien perçu. Mais là où on voit vraiment l'impact, c'est dans les autres régions. C'est la progression dans les autres régions. Hein. En Bretagne, on est passé à 11%, on était à 5 ou 6% il y a quelques années. Alors vous allez me dire, ouais, mais de 5 à 12, c'est rien du tout. Ça. Oui, mais il faut regarder l'évolution et la durée de l'évolution. Et là, on se rend compte, ah non, ça progresse très vite. Ça progresse très vite, c'est-à-dire que des régions que l'on disait protégées sont en fait pas tellement protégées. Et quand vous affinez, parce qu'il faut affiner dans les régions elles-mêmes, quand vous allez, par exemple, à Rennes, l'agglomération rennaise, l'agglomération nantaise, l'agglomération brestoise, vous n'avez pas 11%. Vous avez 25-30% de naissances halogènes sur ces agglomérations. D'accord ? Donc, se méfier aussi des dépistages dans les régions. Hein, c'est très générique. Alors, donc, ça nous donne quand même 46% au global de naissances halogènes, ce qui, moi, me paraît totalement possible. Totalement possible. Moi, je pense que ça corrobore assez, moi, les autres recherches, parce qu'il y a d'autres façons de recouper, par ailleurs, la population halogène de différentes autres façons. On peut le faire notamment de manière très empirique, et ça, moi, je m'y suis livré. Vous savez qu'il y a des pays asiatiques développés qui ont des systèmes économiques, des niveaux de vie qui sont semblables à ce qui existe en Occident. Le Japon, par exemple, la Corée du Sud. Bon, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh ben, ils font des projections démographiques, mais comme ils n'ont pas eu d'immigration de masse, donc ils ont à peu près, au Japon, ils ont 1,3 enfants par femme, à peu près, pour le moment, je veux dire, hein, ça peut baisser encore. En Corée, c'est encore plus dramatique, c'est 0,8 enfants par femme, je ne sais pas si vous imaginez, donc la Corée, c'est un cas extrême. Et donc, vous pouvez, sur la base de publications tout à fait officielles, voir les projections qui sont celles du gouvernement pour le démographique, projection démographique pour 2050, 2060, 2070, dans ces pays-là, où vous avez 1,3 enfants par femme, et où ils prévoient plusieurs scénarios, ils disent, voilà, on va avoir une réduction de la population qui va être de tant de millions, etc. Donc en Corée, je crois pour 50 millions, ils prévoient une baisse j'ai plus tout à fait les chiffres en tête, mais une baisse tout à fait considérable, pareil au Japon. Là. Alors en fait, il vous suffit sur cette base-là, puisqu'on observe que dans le monde occidental, on est à peu près sur les mêmes chiffres, hein, 1,3 enfants par femme, à peu près 1,4, ça va dépendre. C'est vrai en Pologne, hein, la très catholique Pologne, eh ben, elle a 1,3 enfants par femme, attention, hein, c'est-à-dire l'hiver démographique traverse tout le monde blanc, pas exclusivement le monde d'Europe occidentale, attention. Hein. Donc, en comparant, il suffit de se dire... En Russie aussi, d'ailleurs. En Russie aussi. Donc, quand vous avez ces chiffres-là, vous dites, bah voilà, regardez, en Asie, ce sont des pays homogènes, pas d'immigration de masse, projection démographique avec des femmes qui font 1,3 enfants, et ben voilà, sur les 30 prochaines années, les 40 prochaines années, voilà ce que ça va donner. Et ben vous transposez sur la France, vous faites des modulations, et vous avez après une idée. C'est-à-dire, vous dites, voilà, 1,4 enfants par femme en France, voilà, ben, peu ou prou vous êtes dans telle échelle. Et donc, vous pouvez savoir quelle va être la part des halogènes, parce que l'INSEE, par ailleurs, dit, voilà, en 2050, en 2060, on aura à peu près cette population. Et qu'est-ce qu'ils vous disent à l'INSEE ? Ils vous disent, on aura plus ou moins 70 millions d'habitants. Alors, ça cloche ! Parce que ça veut dire que la population française va un petit peu augmenter. On est à 68 millions aujourd'hui, 67. Ils nous disent que la population française va un peu augmenter sur les 30 prochaines années. Oui, mais regardez les pays comme le Japon. C'est des pays où la population va drastiquement baisser, de 30%. C'est des pays qui ont fait 130 millions d'habitants, qui vont tomber grosso modo à peu près 95 millions d'habitants sur les 30 prochaines années. C'est des baisses colossales de population. 30 millions d'habitants en moins... pour un pays comme le Japon en 30 ans. C'est des chiffres qu'on devrait retrouver en France. Or, on ne nous dit pas ça. On nous dit, nous aurons nous allons gagner un peu d'habitants. Bah, faites le calcul, la différence. Donc, il n'y a pas besoin de passer par la drépanocytose. Mais quand vous couplez à la drépanocytose, le dépistage, ah oui, effectivement, vous trouvez les grandes tendances de fond. Alors, on pourra toujours discuter à quelques pourcents près, sur telle ou telle région, bien sûr, mais je dis que c'est un chiffre très important, et j'en termine sur mon propos, et je donne la parole ensuite à nos participants. Et si mes calculs sont exacts, alors bien sûr, hein, c'est très empirique, j'en ai conscience, donc il y a des limites dans ce que je dis, mais j'en déduis que nous aurons à peu près entre 2050 et 2060, sur la classe d'âge des moins de 14 ans, un jeune français de souche ou d'origine européenne pour deux allogènes. Vous prendrez la classe des moins de 14 ans, vous aurez 33% de jeunes blancs, vous aurez 66% d'allogènes, principalement afro-musulmans. Voilà. Alors, attention, c'est une projection, ce n'est pas une prophétie, c'est très différent, hein. Donc, si les courbes continuent, nous atteindrons cet état de fait approximatif dans 30 ou 40 ans, si ça continue, d'accord ? Donc ce n'est pas une certitude, des choses peuvent être bouleversées, mais voilà ce qui nous attendrait si rien ne change. Alors du coup, quand on disait quoi faire, eh ben, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que essayer de soulever une génération qui a été très majoritaire dans son groupe d'âge, comme ça peut être encore le cas aujourd'hui, c'est très difficile. Parce qu'il y a encore le poids de la culture dominante. Mais cette culture dominante, donc la culture des Français de souche, avec tout ce qu'on nous tanne là, les valeurs de la République, tout ce qui paraît faire consensus. Dans 30 ans ou 40 ans, toutes ces valeurs ont complètement été éclipsées au profit de la culture des populations qui nous envahissent, qui sont majoritairement musulmanes, parce que seuls les musulmans ont un système culturel cohérent, complet, alternatif à proposer. Pas les Noirs, d'ailleurs. Pas les Noirs. Donc, ces gens-là, ils ont déjà un dispositif, ce que je veux dire. Et les jeunes blancs, eux, qui vont devenir minoritaires, qui seront de plus en plus ciblés pour leur appartenance raciale, parce qu'ils seront ciblés en raison du racisme anti-blanc. Ils seront considérés comme des ennemis. Ils auront besoin, si vous voulez, de clés pour comprendre ce qui se passe, d'espaces culturels qui leur appartiennent, bref, d'être armés pour faire face à cette situation-là. Et ils seront en minorité. Et ils seront environ 4 millions. Ils seront environ 4 millions pour 8 millions d'allogènes en face. Je dis bien pour les moins de 14 ans. Hein. Et bien, ces jeunes-là, se seront débarrassés de tout ce qu'on subit aujourd'hui au niveau du politiquement correct. On n'aura pas besoin de leur expliquer ce que c'est la haine des allogènes, etc. Ils sauront très bien tout ça. Et on pourra les arracher à l'idéologie dominante actuelle. Voilà. Alors je ne m'en félicite pas, mais c'est pour dire que rien n'est jamais acquis d'avance, ni dans un sens, ni dans un autre. Et que dans une situation adverse très difficile, nous pouvons réveiller les jeunes blancs de demain en leur expliquant ce que les autres ne leur expliquent pas. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire à l'occasion de ce message, et du coup de se lancer un petit peu comme des missionnaires en direction des nouvelles générations, des jeunes, pour leur montrer ce qui les attend. C'est sûr que c'est un futur très, très sombre, mais il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein, je veux dire, sombre ou pas, il faudra bien affronter la situation et donc aller de l'avant. Donc c'est là qu'on a tous un rôle de pionnier à jouer. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur ce sujet, et je vous donne la parole maintenant. Qui veut prendre la parole, Sobieski ? Oui, moi je voulais juste dire que les Noirs sont pas musulmans, mais ils peuvent être assez vite convertis à l'islam à partir du moment où ils voient que ça leur rapporte. Je veux dire, c'est exactement ce qui s'est passé en Afrique subsaharienne. Hein. Les types, une fois que quelques Maghrébins sont venus leur montrer qui c'était le chef, ils sont vite convertis pour beaucoup. Donc encore une fois, moi je pense pas que la chute démographique n'est pas un problème Parce que dans le monde entier, il y a une chute démographique. Là où ça pose problème, c'est que la démographie africaine, vu que les Américains sont en retard sur à peu près tout, eux, par contre, justement, leur démographie est en train d'augmenter follement. 4 milliards d'Africains en 2100, ce sont des projections, pas des prophéties encore une fois. Vous prenez des pays comme le Mali ou le Niger, qui sont des déserts, ces populations-là n'ont rien pour se nourrir. Leur population, la population du Mali devrait atteindre la population de la France en 2050. Je ne sais pas si vous réalisez. Oui, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que en ce moment, tout le monde est en train de nous tanner avec cette histoire de pénurie. Oh là là, les Africains, ils vont mourir de faim. Regardez comme ils sont gras. Bon, c'est pas grave, mais bon. Et donc, en fait, le problème, c'est bon, parce qu'à la limite, les Africains, bon, ils veulent se reproduire, qu'ils se reproduisent et bon, c'est une chose. Mais le problème, c'est que les Européens, les Blancs, leur disent, mais venez à la maison, venez, et comme ça, vu que nous, on est en train de chuter démographiquement, vous grimpez, et voilà, et c'est pas un truc que font les Asiatiques, et je leur souhaite de ne jamais faire cette erreur, d'ailleurs, parce que je pense pas que la démographie soit un. Ça joue, c'est très important, ça a des conséquences, mais si c'est le monde entier qui chute démographiquement, c'est bon, voilà, on peut dire que c'est pas un problème, c'est-à-dire que tout le monde suit le pas. Le problème, c'est que les Européens, les Européens ne font pas ça, ils font venir des Noirs pour les remplacer, et c'est bien ça le problème, et c'est pas les Européens, c'est le grand patronat. Et les États en manque de cotisants qui font venir ces populations-là. Hein. Donc c'est le scénario catastrophe. C'est-à-dire que t'as un hiver démographique en Europe, t'as une explosion démographique absolument colossale, inédite dans l'histoire d'ailleurs du monde en Afrique, avec des milliards de Noirs qui sortent de partout. Là, et je parle même pas du monde musulman parce qu'il continue. Hein. D'ailleurs, j'ai lu un papier intéressant là-dessus sur l'échec de la transition démographique de l'Algérie. L'Algérie échoue dans sa transition démographique, ce qu'on pensait impensable. Moi, à l'école, on me disait non, mais l'Algérie est entrée dans sa transition démographique. Non, non. La natalité remonte en Algérie. Elle remonte. Et on sait qu'au-dessus de 3 enfants par femme, ça échoue. C'est-à-dire que vous retombez dans les problèmes inhérents parce que vous avez besoin d'une économie pour absorber forcément les nouveaux venus. Ça ne marche pas en Algérie et ils recommencent à faire des enfants. C'est-à-dire que c'est en train d'échouer et ça repart à la hausse. Personne ne croyait possible, hein, n'est-ce pas? Donc on a ce continent vieillissant qui est l'Europe, et on a face à nous l'Afrique énorme, et on a notre être chez nous, donc les capitalistes, pour ceux qui veulent faire de l'argent très rapidement, les États qui veulent des cotisants, les gauchistes aussi, bien sûr, qui veulent des électeurs, qui veulent les faire venir, et ça, c'est la catastrophe. Bah, d'ailleurs, mine de rien, au final, sur le court terme, le capitalisme est préférable, mais sur le long terme, je veux dire, les pays qui ont connu le communisme, au moins, ils ont pas été submergés par des hordes de nègres. Donc, c'est malheureux, mais le blanc, il faut vraiment qu'il apprenne à avoir un juste milieu, c'est-à-dire on peut peut-être avoir un système qui ne soit pas anxiogène comme l'était l'URSS, mais à la fois peut-être avoir un système plus dur. Qu'est-ce que font nos sociétés capitalistes, et il serait peut-être temps de les mettre au bagne, tous ces patrons qui font la promotion du nègre. Voilà. Ouais, j'ai assez ouvert ça. Oui, c'est une bonne idée. Vincent, ces projections démographiques te paraissent-elles, dans ton avis, qu'est-ce que tu en penses? Je crois que j'ai vu cette année d'ailleurs qu'en Grande-Bretagne, 1 million de nouveaux immigrés au Royaume-Uni, ce qui est absolument énorme, sous Boris Johnson. Hein, donc la dynamique continue. Qu'est-ce que tu voudrais dire face à ces chiffres? Alors, moi, je tiens à rebondir sur ce que tu as dit, c'est-à-dire sur ces jeunes générations de blancs, hein, qui montent maintenant. Et qu'il va falloir, je dirais, éduquer, parce qu'il est évident que elles vont voir ce qui se passe, mais il y aura tout l'appareil gauchiste de l'éducation nationale, des médias, qui vont leur dire mais attention, surtout pas, ne sombrez pas dans le racisme, dans la xénophobie, etc., etc. Alors, je ne dis pas qu'au bout d'un moment, ils seront toujours sensibles à ce discours, mais enfin, quand même, ce discours va être très prégnant pour eux. Et donc, tu disais, ce qu'il faut, justement, c'est jouer un rôle de missionnaire dans cette action pour les sortir de l'idéologie antiraciste dont on va leur rebattre les oreilles. Et alors, je pense qu'en effet, il y a deux choses à faire. Il faut leur dire qu'il faut impérativement lutter contre cette immigration galopante et incontrôlée. Mais, et c'est là que j'aurais peut-être une petite divergence avec Sobieski, mais je dis pas que j'ai raison, hein, mais je pense quand même que la démographie est importante, alors peut-être pas en Asie, parce qu'ils ont peut-être pas la même culture, mais au niveau de la France, qui est un pays central, je dirais, en Europe, même s'il n'est pas géographiquement central, mais c'est un pays qui est à côté de l'Afrique, etc. C'est un pays attractif. Et donc, je pense que pour nous, la démographie est importante. C'est-à-dire que il y a deux statistiques qui sont édifiantes à propos de notre démographie à nous. C'est celle de l'exode rural et celle de la fécondité. Je vous rappelle qu'en 1811, il y avait 80% des Français qui habitaient à la campagne. Eh bien, à cette époque, la population comptait 3,15% de bébés, de nouveau-nés. Et en 1939, il n'y avait plus que 47% des Français qui vivaient à la campagne. Et les bébés n'étaient plus que 1,46%. Donc il y a eu en effet dans le monde, en France, mais c'était à peu près tout le monde blanc, une chute de la démographie. Et quand on regarde les deux courbes, c'est-à-dire la courbe de l'exode rural et la courbe de la chute démographique, on s'aperçoit qu'elles baissent ensemble. C'est vraiment, il y a une baisse concomitante des deux. Seulement voilà, et c'est là encore une fois où moi j'ai une autre analyse, je dis que il y a une loi qui dit que la nature a horreur du vide. Ça veut dire que ça s'applique naturellement en physique, hein, on sait bien, je vais pas faire un cours physique, ça m'intéresse pas, mais cette loi elle s'applique aussi, je pense, au peuplement et des pays, surtout lorsque ces pays sont attractifs. Et voilà pourquoi la dépopulation de la France, elle doit nécessairement, hélas, hein, je suis le premier à être désolé de cela, hein, elle doit nécessairement attirer l'étranger. Et dès 1897, j'en ai parlé lors de la dernière émission, dans un exposé sur la dépopulation, le docteur Bertillon avait prévenu qu'une des conséquences serait, et j'ouvre les guillemets, la France colonisée par les étrangers. Il expliquait que faute de s'accroître, la population française n'arriverait même pas à défendre son territoire contre la poussée des populations voisines. Et en guise de preuve, il produisait une statistique qui était assez effrayante. En 1851, en France, il y avait 392 000 étrangers. 40 ans plus tard, ils étaient 1 300 000. Et donc déjà, Bertillon disait « Attention, attention, vous allez vous faire envahir !» Et à l'époque, il n'y avait pas cette politique de mondialisation et d'immigration massive. Mais c'était un phénomène qui se passait. Alors, certes, à l'époque, ces étrangers venaient des pays et les plus proches. L'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Pologne. Mais la tendance était déjà là. Et déjà, des gens voyaient le danger. Et 20 ans plus tard, en mars 1917, alors on était en pleine guerre, eh bien, il y a un député qui lutta pour l'instauration d'une politique nataliste en France. Et à la Chambre, il dit la chose suivante. Si la famille française, dès la fin du cataclysme, donc dès la fin de la guerre, ne se constitue pas rapidement à une moyenne de 4 enfants par femme, si elle continue d'être la famille des 2 enfants d'avant-guerre, la France, avant 50 ans, sera absorbée, colonisée ou dénationalisée. L'entreprise que l'ennemi le plus barbare et le plus redoutable aura tenté vainement par le fer et par le feu réussira sans coup férir par les voies doucereuses de l'égoïsme et d'un hédonisme assoupissant. Voilà ce que disait ce député. Donc il pensait, il voyait déjà que la France serait submergée. Alors, il voyait cette submersion au plus tard en 1970. En cela, il s'est trompé. Mais il s'est trompé de 50 ans seulement. Pardon. Oui et non, parce que L'immigration de masse a commencé dans les années 60 sous De Gaulle. Hein. C'est là que tout ça a vraiment commencé. Donc, oui, si tu dis voilà, la submersion complète de la France en 70 ans, effectivement, il était un peu excessif. Mais je veux dire, c'est clair que les années 60 sont un tournant tout à fait majeur dans l'histoire démographique française. Hein. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Hein. Et quelque part, d'ailleurs, c'est assez raccord avec. Non, je voulais juste une parenthèse en disant que c'était raccord avec ce qu'on pouvait, on a pu observer au Kosovo, c'est-à-dire qui était principalement peuplé de Serbes, et en 40-50 ans, la tendance a été inversée, c'est-à-dire qu'il y avait 5% d'Albanais, enfin en tout cas de... Au Kosovo, il y avait une courte majorité de Serbes, mais une majorité de Serbes en 1945, c'était quelque chose comme 55. Bien avant au début, et c'était surtout 90% de Serbes, et puis après... Ah oui, non, mais très longtemps avant, et il me semble bien en tout cas que le basculement, il s'est fait en 40 ans, en 40 ans, les courbes se sont inversées. Donc, alors quand tu prends la plus longue durée, tu as raison, mais en 45, si tu veux, tu as une majorité de Serbes au Kosovo, donc je dis 55% à peu près, et ça s'est tassé, mais sous le nez des Serbes, en plus, je veux dire. C'était pas un complot. C'est-à-dire que les autorités, parce que le système yougoslave était centré sur la Serbie, hein, le système yougoslave communiste était centré sur la Serbie, les Serbes le voyaient, n'ont rien fait. Justement, c'est ce que je veux dire à propos de la France. C'est ce qu'on vit en ce moment. C'est-à-dire que les dirigeants serbes de la Yougoslavie, vous pouvez voir, hein, ouais, au Kosovo, regardez ce qui se passe, les statistiques. Ils n'ont rien fait, regardez ça se passer. Et c'est que, évidemment, le truc qui est complètement fou, c'est que quand ils sont arrivés, une minorité d'une minorité, qui se sont alarmés, non, mais en fait, on va vraiment disparaître. Mais c'était déjà beaucoup trop tard, c'est-à-dire que l'alarme générale, du point de vue serbe, je m'entends, aurait dû être sonnée au milieu des années 40 ou au début des années 50. C'était là que les gars auraient dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe, il est temps de réagir. Non, ils ont attendu, comme tu l'as bien dit, Sobieski, les années, on va dire, 80, parce que je connais assez bien l'enchaînement des événements en Yougoslavie, qui, à mon avis, préfigure beaucoup ce qui va nous arriver. Et c'est là qu'effectivement, ils ont commencé, parce que c'est parti du Kosovo, d'ailleurs, avec Milosevic, hein, lors d'un déplacement dans cette zone-là. La guerre du Kosovo clôturera les guerres balkaniques de la fin des années 90, mais le début des tensions ethniques, c'est pas le début des tensions ethniques, elles ont toujours existé, mais je veux dire, le début des violences ethniques dans les Balkans sur fond de fin du communisme, ça a commencé avec Milosevic qui se rend au Kosovo. C'est là que ça s'est passé. Oui, alors justement, et ça c'est très intéressant parce que je continue justement sur ma lancée, et vous avez très bien dit, au Kosovo, ça s'est fait au nez et à la barbe des populations. Eh bien, ce que ce député disait en 1917, c'est qu'il disait « attention, ce que l'ennemi n'a pas pu faire par le fer et par le feu, donc en nous envahissant par des armées, il le fera, l'étranger le fera par l'égoïsme et l'hédonisme assoupissant ». C'est-à-dire qu'il disait déjà, il pointait du doigt les Français, en disant « faites attention, si vous continuez à ne pas faire d'enfants, c'est la loi de la nature sous de l'attitude. Vous allez vous faire submerger, dénationaliser. » Donc, c'est vrai que en 70, ça avait déjà bien commencé, mais ça ne l'était pas. Mais ça a continué. Ça a continué, et c'est parce que précisément, et c'est ce qu'il faudra dire aux jeunes, toutes ces générations qui les ont précédées ont été des générations de boomers égoïstes et hédonistes, qu'elles n'ont pas voulu entendre les avertissements que des clairvoyants ont posés, et surtout qu'elles se sont voilées la face en disant « ouais, mais tout ça, c'est du racisme, etc. » Et je voudrais vous en donner un exemple. Dès 1984, dans son livre « Les Français d'abord », Jean-Marie Le Pen avait prévenu notre peuple des conséquences mortelles de l'immigration non européenne sur fond d'antiracisme. Et je vais vous citer ce qu'il a dit, c'est pas très très long, mais il avait dit « Il y a dix ans que nous essayons en vain de tirer la sonnette d'alarme sur l'immense péril contenu dans l'immigration étrangère. Nos avertissements ont toujours été balayés pour l'imbécile affirmation qu'il s'agissait de propos racistes. dès les années 60, nous condamnions sévèrement l'initiative des gouvernements français d'aller chercher une main-d'œuvre étrangère, notamment une manœuvre de manouvriers et d'ouvriers non françaises. La politique désastreuse de nos gouvernements a eu des conséquences catastrophiques, car elle a ouvert la voie d'une manière absolument incontrôlée à un flux migratoire énorme. Quand nous utilisons nos moyens de mesure, qui sont ceux de nos yeux, parce que déjà à l'époque il n'y avait pas de statistiques, donc quand nous utilisons nos moyens de mesure, qui sont ceux de nos yeux, quand nous voyons ces appartements conquis les uns après les autres, ces populations qui changent, ces écoles littéralement colonisées, nous savons combien le péril est grand. Dans le 20e arrondissement de Paris, dont je suis l'élu, il est déjà des crèches où le taux est seulement de 5% de Français. Dans les écoles publiques, 20% de Français. Il s'agit là d'une véritable marée. Un certain nombre de politiciens, de penseurs et de philosophes de gauche s'emploient à réduire les conséquences à une simple manifestation de racisme. Je suis frappé de voir, quand je circule dans les rues de France, beaucoup de personnes âgées et de jeunes immigrés. Ce constat me serre le cœur et me fait prendre concrètement la mesure des dangers que court notre pays. L'Europe, et maintenant la France, connaissent une crise de dénatalité qui, si elle n'était pas enrayée, marquerait non pas seulement le déclin de notre civilisation, mais la disparition de nos peuples. Alors qu'en face, dans les pays sous-développés, en particulier l'Afrique et l'Asie, dans le tiers-monde, une fantastique explosion démographique est en cours. Elle crée des courants perturbés, des zones de haute pression vers les zones de basse pression démographique, courants qui, si nous n'y opposons pas la force de notre lucidité et de notre courage, submergeront et balayeront les civilisations dont nous sommes les gardiens et les porteurs. Voilà ce qu'écrivait Jean-Marie Le Pen en 1984. Moi, j'ai lu ça en 1985. Je me rappelle, j'étais en première. Et je puis vous dire que j'ai été convaincu. C'est pour ça que 2 ans plus tard, j'adhérais au FNJ. Mais ça, peu importe, c'est ma vie. Mais ce qu'il faudra dire à ces jeunes générations, c'est ceux qui vous ont précédé, vos parents, vos grands-parents, ils vous tiendront sûrement des discours d'antiracisme en disant « Non, il n'y a pas de grand remplacement, c'est pas vrai, etc. » Eh bien, il faudra leur dire « C'est pas vrai. » Il y avait déjà des gens en 84 qui le dénonçaient, Jean-Marie Le Pen par exemple, mais ils n'ont pas été écoutés. Et voilà où on en est aujourd'hui, parce que ces gens n'ont pas été écoutés. Et vous pourrez leur mettre ces textes sous les yeux. Il l'avait dit vraiment, ce n'est pas des fantasmes, c'est pas nous qui embellissons le passé. Il l'avait dit vraiment. Mais ils n'ont pas été écoutés au motif que c'était raciste. Eh bien, ne sombrez pas là-dedans. Ou plus exactement, dites, oui, je suis raciste, tout à fait, exactement, je veux défendre mon peuple et je le défendrai. Voilà ce qu'il faudra dire à ces jeunes si on ne veut pas qu'il y ait, hélas, une disparition de nos peuples. Voilà, monsieur, rubrique suivante, sans transition aucune, la sage juive de la semaine. Oui, il faut bien le dire. Et c'est lié à la propagande énorme, au torrent LGBTiste auquel nous assistons tous azimuts depuis quelques années. Ça a commencé bien avant, hein, mais ça prend un caractère massif par différents canaux, dans l'éducation dite nationale, je passerai là-dessus, par ce qu'on appelle la culture populaire et ses vecteurs traditionnels, et c'est plutôt vers cela que nous allons aujourd'hui, c'est-à-dire Disney dont l'œuvre est aujourd'hui ouvertement dénaturée par des groupes bien précis qui ont un programme en tête, hein, qui ont un échéancier et qui vise à détruire précisément la natalité, hein, la natalité blanche, en encourageant tous les comportements sexuels qui n'aboutissent pas à la procréation, à la fondation de famille, et qui réoriente la sexualité vers l'hédonisme, une sexualité de consommation uniquement focalisée sur le plaisir immédiat, hein, et pas la finalité de la sexualité qui est de faire des enfants. Il faut quand même rappeler ça, parce que ça, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens le comprennent ça aujourd'hui, hein, vous voyez, ça sert à faire des gosses quand même. Enfin bon. Vincent pourra d'ailleurs nous en parler, puisqu'il est quand même en la matière un exemple. C'est rien de le dire. Alors pitié. Ah, quand même. Oui, c'est vrai. Non, c'est quand, enfin, même, après, quand même admirable. Quand même admirable. Alors commençons par le commencement. Ça a défrayé la chronique et vous allez savoir pourquoi. De toute façon, il y a tout un imbroglio autour de Disney par rapport à la promotion du LGBT. Ça crée énormément de tensions, notamment aux États-Unis où, contrairement à la France, il y a des groupes chrétiens organisés qui résistent. Le rapport à la religion est très différent en Amérique et en France, parce que la France est totalement déchristianisée aujourd'hui, hein, voilà. Et pas en Amérique. Alors, il y a une déchristianisation très, très, très prégnante aux États-Unis, mais il y a aussi des pôles de résistance sociaux qui sont chrétiens et blancs aussi, incidemment. Donc j'ai envie de... Je dirais que l'Amérique, au niveau de la religion, se situe la France à peu près dans les années 50. Voilà, c'est à peu près ça. Alors je vous livre cet article du Parisien, qui est indigné d'ailleurs. Indigné de voir, en fait, qu'il y a un problème. Et nous allons vers les pays musulmans. Nous ne sommes pas en France, hein. Nous ne sommes pas en Europe. Nous sommes dans les pays musulmans où la propagande LGBT, donc pro-homosexuel, pro-transgenre, changement de sexe, si jamais ça peut exister, si jamais on ne peut pas changer de sexe, en réalité. Hein. C'est une imposture, déjà, sémantique. Voilà. Il y a une résistance. Alors, je vous lis cet article. Voilà. Disney n'a plus la cote dans certains pays, nous dit le Parisien. La faute à la multiplication des références aux personnes LGBTQ. Bon, voilà, c'est LGBTQ, QI, QI+, on n'en sort plus, là, dans tous les lettres de l'alphabet, là. Dans les films du leader du divertissement. Le dernier film d'animation des studios Pixar, Buzz l'éclair, qui contient une fugace scène de baiser entre deux femmes vivant ensemble, n'a, par exemple, pas obtenu de visa d'exploitation dans 14 pays et territoires du Moyen-Orient et d'Asie, a-t-on appris ce mardi de sources ayant eu accès au dossier. Selon cette source, la liste de ces pays, en grande majorité musulmans, est la suivante. Malaisie, Indonésie, Liban, Jordanie, Bahreïn, Égypte, Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, les territoires palestiniens, la Syrie, l'Irak et les Émirats Arabes Unis, qui avaient annoncé la décision lundi. Buzz l'éclair retrace la naissance de l'intrépide astronaute rendu célèbre par la saga Toy Story dans le film Buzz et ses camarades Rangers de l'espace, dont sa chef et meilleure amie, Alicia Hawthorne, s'écrase sur une planète hostile. À un moment du film, on peut voir le personnage d'Alicia en train d'embrasser brièvement son épouse. Alors je cite là, « Nous avons suggéré aux propriétaires du film de penser à leur public en Indonésie, où un baiser entre une personne LGBT est encore considéré comme sensible », a déclaré à l'AFP Romi Fibri Ardiananto, responsable de la commission de la censure placée sous la houlette du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Le film n'a pas été interdit à proprement parler en Indonésie, mais les autorités disent attendre encore la version définitive demandée à Disney, notamment avec les sous-titres. La balle, je cite, est dans leur camp, a dit encore Romi Fibri Ardianto. En Malaisie, l'office de la censure a demandé à Disney de couper deux scènes qui ne sont pas adaptées pour les enfants, je cite, a déclaré un responsable du ministère de l'Intérieur ayant demandé à rester anonyme. La demande a été faite la semaine dernière à Disney. Et Disney, pardonnez-moi, n'a pas encore répondu aux autorités malaisiennes, a ajouté ce responsable, qui n'a pas précisé quelles étaient les deux scènes concernées. Ironie de l'histoire, la scène avait été initialement coupée par les studios Pixar, fidèles de Disney, mais des employés de Pixar et de Disney s'étaient insurgés, critiquant l'attitude du numéro 1 mondial du divertissement, accusé de ne pas s'engager pour défendre, je cite, « les droits des personnes LGBTQ+ ». La productrice du film, Galine Zussmann, avait abordé le sujet début avril en présentant le film à la presse. Pouvoir remettre ce baiser était important pour nous, c'est un moment touchant, ayant une grande signification dans l'intrigue, car il permet à Buzz de prendre conscience que, contrairement à son ami, il n'a pas d'être aimé ou d'enfant, avait-elle expliqué. Donc en fait, voilà, c'est que quand Buzz l'éclair voit les deux Gwyn, en gros, s'embrasser, il se dit « Ah bah moi, j'ai pas de compagne, donc je me sens un peu seul ». Voilà, c'était ça qu'ils avaient... Bon, bref. Mais la productrice avait insisté sur le fait que nous avons toujours eu le couple lesbien formé par Alicia et son épouse, donc dès le départ, hein, dès le début du projet, quoi, et son épouse, et qu'elles avaient malgré tout la la coupe initiale tout, et devait faire partie du film. Hein, voilà, c'est ce qu'il nous explique. Voilà, alors je vous passe pas du tout d'ailleurs le détail, non, c'est très important. Galine Zuzman est une juive, hein, c'est une productrice juive qui explique pourquoi elle veut quand même mettre devant des publics d'enfants des femmes qui s'embrassent. On pense que Galine Zuzman veut s'adresser aux petites filles surtout, hein, elle veut les encourager sur la voie du lesbianisme. Voilà, c'est probablement un nouvel apport de la culture juive à la civilisation occidentale. Alors, messieurs, je ne sais pas qui voudrait commencer sur ce petit sujet. Je vais commencer avec Hydromel qui m'a dit qu'il avait un petit truc à dire, un truc très simple à dire là-dessus. Ensuite, on basculera sur Vincent ou Sobieski. Je vous écoute, on vous écoute. Oui, j'avais un truc à dire par rapport à l'excuse que trouve cette productrice perverse quand on lui pose la question « Mais pourquoi vous avez mis une lesbienne ?» Bon, elle répond « Ben, vous comprenez, c'est vachement important dans le scénario, ça permet de faire comprendre à Buzz l'éclair. » Mais alors, dans ce cas, pourquoi elle a pas mis un homme et une femme ? Ça aurait aussi très bien pu faire l'affaire. Alors après, elle dit « Oui, mais dès le départ, c'était comme ça, vous comprenez ?» En fait, c'est toujours trouver des excuses pour justifier leur pire dégueulasserie répugnante. C'est très très bien observé, ça. Je dois dire que c'est très bien observé. C'est-à-dire, oui, ouais, si c'était juste pour montrer que Buzz l'éclair est seul. Oui. Et concrètement, mais foutez la paix aux gamins, c'est le même problème que pour les vaccins. Ouais. Arrêtez de les matrixer pour qu'ils arrêtent de, qu'ils n'aient plus ce rêve d'un père et d'une mère qui les aiment en harmonie, comme ça a toujours été. Arrêtez, foutez-leur la paix, bordel de merde. Et donc, cette grosse productrice perverse dégueulasse, qu'elle aille se faire foutre. Juive, oui. Non, mais t'as tout à fait raison. C'est-à-dire, arrêtez d'attaquer les enfants. Là, moi, je me retrouve totalement là-dedans. C'est une agression. C'est une agression sexuelle. Alors là, pour le coup, pensée par cette juive, hein, contre des enfants. Mais on se rend pas compte du dégât, parce que ça nous paraît trivial. On se dit, oh, mais qu'est-ce que c'est, ouais, ils sont tous en train de s'exciter. C'est quoi? Il y a deux personnages. Mais bon, ouais, c'est d'animation. C'est pas réel. Si, c'est réel. C'est pensé pour être réel. C'est pensé pour s'adresser à un public, pour encourager le public. Ça a totalement vocation à devenir réalité. C'est ça l'objectif. C'est l'intention première de Zuzman, totalement, absolument. Et ça vise les enfants, ça vise pas des couples adultes ou je ne sais, ça vise des enfants. Et ça, je crois qu'il faut le souligner. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, j'utilise jamais l'expression LGBT, ou très rarement, je préfère de beaucoup l'expression pédo-LGBT. Parce qu'en réalité, ça finit toujours sur les gamins, toujours. Ces gens-là veulent toujours pervertir, saloper, détruire les enfants, parce que quand vous attaquez aux représentations du père, de la mère, vous touchez le gamin qui se structure et qui va créer des liens affectifs avec son père et sa mère, vous lui ruinez la vie. Ce sont des pervers, des gens malades qui essayent de détruire des enfants pour leur donner leur propre image. Pour les façonner à leur propre image. Pour les dénaturer, pour les façonner. Et ça, c'est profondément écœurant. C'est à vomir. Et toutes les tentatives, tout spécialement dans l'éducation nationale, mais non exclusivement, toutes les tentatives visant à attaquer les enfants sont évidemment des agressions sexuelles, mais visent à détruire des personnes pour toute leur vie. Pour toute leur vie. Et c'est ce que recherche aujourd'hui Disney. Alors, on aurait dit à Disney, votre œuvre servira à détruire des enfants, il n'y aurait pas cru, parce que lui, tout l'esprit de sa démarche, c'était exactement l'inverse. C'était d'aider les enfants à se réaliser. Qui veut rajouter, enfin, pas rajouter, mais qui veut s'exprimer, c'est soit Hydromel qui veut terminer, soit Sobieski qui veut rajouter quelque chose, soit Vincent. Il faudrait peut-être en parler plus souvent. C'est le cas de David Reinhard. David Reinhard, c'est ce jeune Canadien qui a été forcé à porter des jupes, des robes, et qui a été féminisé de force par ses parents à cause d'un médecin complètement taré qui voulait vérifier des théories postmodernistes. Là, et cet enfant, en fait, en grandissant... Il a servi de cobaye, et en grandissant, bah, ce type, sa vie était foutue. Sa vie était foutue. Je veux dire, si vous lisez les articles concernant cette affaire, c'est sincèrement, c'est extrêmement touchant, c'est touchant de tristesse, parce que ce pauvre gamin a été victime d'un médecin cinglé, et après c'est les mêmes qui viennent vous parler de des médecins des légendaires médecins du Reich qui faisaient des expériences, mais enfin c'est atroce, et par des parents complètement avides de bien-pensance. Au malade aussi, voilà. Attention, hein, malade ouais. Sexuel aussi, attention. Hein, oui, attention, hein. aussi. Donc voilà, enfin je veux dire, donc ça c'est un truc qu'il faut porter plus souvent devant toutes ces organisations LGBT, etc. C'est leur dire, oui, mais regardez ce que vous avez fait à ce pauvre David Reinhardt. Vous avez détruit sa vie, et il y a d'autres enfants à qui ça arrivera. Donc moi j'ai qu'une chose à dire, les PD, occupez-vous de votre rondelle qui est le centre de vos vies, et nos enfants, nos choix, ça ne vous regarde pas. Bah d'ailleurs, quand on dit il y a pas d'adoption homosexuelle, c'est du kidnapping, ils kidnappent des gosses. Faut parler français à un moment donné. Les PD kidnappent des gosses en France. Et on enfume les gens avec tout un discours sur l'égalité. Ces gens n'ont pas de pensée égalitaire. Au sens où ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Ils ne veulent pas qu'on les laisse tranquilles. Ils veulent que le monde soit à leur image. Ce sont des prosélytes. Le jour où les gens auront compris ça, que les homosexuels sont des prosélytes, au même titre qu'il y a des prosélytes protestants ou des prosélytes musulmans, ce sont des prosélytes, qu'ils veulent transformer les autres en ce qu'ils sont eux-mêmes, on aura fait un grand pas. C'est pour ça qu'ils attaquent les gosses. Ils se disent, on va attaquer les gosses. Bon, parfois, c'est clairement par pédophilie, parce qu'ils ont une obsession pour sexualiser les gamins, d'accord ? Donc là, on est clairement dans la pédophilie, et ça touche beaucoup d'homosexuels, sachez-le. Alors, là où on met le curseur, ça va dépendre, hein, parce qu'il y en a, ils aiment les jeunes et faibles. Ça commence à 12 ans, bon, vous en faites ce que vous voulez. Il y en a, ça commence beaucoup plus tôt, hein, attention. Hein. Voilà. Et ils veulent sexualiser les gosses, vous avez qu'à remarquer. Hein. Et on laisse faire, ah oui, non mais comprenez, ils sont persécutés, c'est pas de leur faute, machin. Tout le monde est pareil. Non, tout le monde n'est pas pareil, quand on est un PD, on n'est pas bien dans sa tête. On n'est pas bien dans sa tête, c'est pas vrai. Faut arrêter de raconter des conneries. Ce n'est pas quelque chose de normal, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose. Et c'est pas parce qu'on le répète pendant 100 ans que c'est vrai. Et vous comprenez ? Comme personne ne fait rien, parce que c'est la démission de l'Occident face à ça. C'est la démission de l'Occident face à ça, qui permet ces horreurs. Et qui va détruire des gamins, parce que vous les voyez faire. Ils kidnappent des gosses, ils les foutent dans des coupes de sodomites. Tout est couvert derrière, parce que c'est un réseau. C'est vrai dans la magistrature, c'est vrai au niveau politique, c'est vrai au niveau médiatique, où il y a des pléthores de PD à l'Assemblée nationale, on le sait, tous les groupes, on l'a dit d'ailleurs. À l'Assemblée nationale, le seul groupe qui n'est pas tenu par les PD, c'est le groupe de Mélenchon. C'est le seul groupe. Tous les autres groupes parlementaires sont tenus par les fiottes. C'est la réalité à l'Assemblée nationale. Personne ne le dit. Et ça vaut pour le Front national, où il n'y a que des homosexuels. Il n'y a que des homosexuels au Front national. Patriote. Oui, il n'y a que des fiottes là-dedans. Voilà. Alors, au bout d'un moment, il y a une réalité anthropologique et il y a une justice anthropologique. Moi, je défends le principe de justice anthropologique. Et ça me révolte de voir les attaques contre les enfants pour détruire leur vie. Et de ne voir qu'il n'y a pas de résistance, ou très peu, ou trop marginal. Et il suffit aux autres de brandir l'excuse de l'égalité, et tout le monde s'écrase. Non, non, non, et non, et non. Non, non, et non, et non. Et je vois que les pays musulmans refusent de capituler. En tout cas, c'est 14 pays musulmans. Eh ben écoutez, les musulmans, ils ont peut-être beaucoup de défauts. Leur religion, elle est peut-être ce qu'elle est. Dans leur pays, ça fonctionne peut-être pas idéalement. D'accord ? Mais enfin, sur ce point-là, excusez-moi, ils voient clair. Ils voient clair, et ils ont raison. Et ils ont raison. Et je trouve même qui sont bien trop coulants encore avec toute cette engeance. Bien trop coulants, bien trop coulants. Voilà ce que j'avais à dire. Tout ceci, moi, me met en colère. Ça me met en colère. Et on n'a pas à être bienveillant avec ces tarés, d'accord ? On n'a pas à jouer avec les mots. Ces gens sont des dingues et il faudra les recadrer à un moment ou à un autre. Alors, vous savez, et c'est ce que disait, et j'en termine, et je donne la parole à Vincent, c'est ce que disait Vincent à propos de la démographie, quand il citait Le Pen en disant la nature a horreur du vide, où il y a une zone de dépression démographique, il y a une zone de haute pression démographique, il y a un effet de transvasement. C'est pareil. On ne veut pas résister contre le cancer LGBT ? On ne veut pas résister à ces malades mentaux qui veulent attaquer les enfants ? D'accord. L'islam va s'en charger. l'islam va remplir ce rôle. Vous démissionnez, eh ben vous aurez une autre force sociale et culturelle qui va remplir ce rôle parce que la nature est pensée comme ça. Voilà. Vous voulez pas attaquer le problème à la racine, eh ben l'islam va le faire. Alors, vous pouvez geindre en disant, ah ben oui, mais quand même, là, les musulmans, ils nous envahissent. Bon, d'abord, ils font des gosses, déjà d'une, voilà. Ensuite, ils veulent pas que leur jeunesse soit corrompue par ce... Alors, je dis pas que tout est rose, hein, dans le monde musulman, sur les questions d'homosexuels, etc. Mais au moins, comme en public, leurs autorités réagissent. Voilà. Oui, bon, bah, ils vont faire leur... Ils vont assumer leur responsabilité anthropologique. Ils auront raison. Et comme nous, soi-disant, dans les démocraties avancées, voilà, personne fait de gosse et tout le monde doit être pédé et on laisse les gamins se faire attaquer par ces fous, eh ben, il y a une force sociale qui va arriver et dire, ah ben, nous, on va remettre de l'ordre là-dedans. Eh ben, au bout d'un moment, les gens vont dire, eh ben, ils ont raison. Déjà, quand l'éducation nationale fait, sans demander aux parents, la promotion de cela, vous savez, par des livres, là, qui paraissent, le poisson, je sais plus trop quoi, enfin, des choses comme ça. J'estime que c'est un scandale parce que on oublie trop souvent que l'éducation nationale n'est que un chargé de mission par les parents. Elle n'est que le représentant des parents. En fait, c'est ça. Alors, moi, quand j'étais prof de maths, c'était parce que il y avait, théoriquement, mais c'est comme ça, il y a des parents qui disaient, nous, on n'a pas le temps, on n'a pas le niveau d'enseigner les maths à nos enfants, sinon on le ferait, donc on vous charge de le faire à notre place. Et ça veut dire que l'éducation nationale n'est que le délégué des parents. Donc, si les parents ne veulent pas que leurs enfants soient éduqués avec des images LGBTQ+, que j'ai trop quoi, normalement, l'éducation n'aurait pas à le faire. Or, elle se substitue aux parents en disant, voilà ce qui est bon pour vos enfants. C'est scandaleux. C'est scandaleux. L'éducation, elle n'a pas à penser ce qui est bon pour les enfants. On la délègue pour certaines missions. Et je suppose qu'on la délègue pas pour montrer, pour faire de la propagande comme on fait à l'heure actuelle. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Bon, maintenant, quand c'est un film, quand c'est les propres parents qui emmènent les enfants ou qui laissent leurs enfants regarder le film, ça, c'est un autre problème, justement, et c'est le problème de la non-réaction. Mais encore une fois, à la base de tout cela, qu'est-ce qu'il y a à la base de tout cela? Mais c'est qu'il y a la pensée de gauche qui nie l'existence d'un ordre naturel et qui, justement, s'est imposé pendant tout le 19e siècle en Europe. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on en vit les conséquences logiques, car la pensée de gauche, en niant l'existence de l'ordre naturel, permet tout. Tout est permis, puisque, justement, comme tu disais très bien, Gandalf, normalement, la vocation première de la sexualité, c'est de faire des enfants. Or, un enfant, d'après l'ordre naturel, ça a besoin d'un père et d'une mère, c'est pour ça que la sexualité se fait à deux, avec une gamète mâle et une gamète femelle, c'est la nature, mais c'est comme ça, et l'enfant va s'épanouir là-dedans. Mais à partir du moment où vous dites qu'il n'y a pas d'ordre naturel, donc la sexualité, c'est d'abord pour s'envoyer en l'air, vous pouvez faire des enfants si vous voulez, mais d'abord c'est pour s'envoyer en l'air, bah, tout est permis, la sexualité à 2, 3, 4, 5, 10, la sexualité entre des hommes, entre des femmes, avec des animaux, ce que vous voulez, c'est fini, il n'y a pas d'ordre naturel. Donc c'est une pente qui est évidente, qui ne peut pas s'arrêter tant que l'idéologie de gauche sera là. Et c'est pour ça qu'il faut toujours dire aux gens, faites très attention, parce qu'en plus, cette idéologie de gauche, elle est très pernicieuse, parce qu'elle s'infiltre partout. Et je vais vous donner un exemple. J'irai pas plus loin pour l'instant, mais demandez même à des gens de notre bord, c'est quoi la liberté? Demandez-leur, quelle est la notion que vous donnez de la liberté? Eh bien, je l'ai remarqué pour avoir posé cette question, on vous dit très souvent, bah, écoutez, la liberté, c'est de faire ce que je veux, du moment qu'en gros, ça gêne pas l'autre. Donc si je veux même être raciste, normalement j'ai le droit, du moment que je ne vais pas agresser un autre, mais j'aurai le droit normalement de m'exprimer. Et bien cette notion de la liberté, je suis désolé de vous le dire, c'est une notion de gauche. La notion de droite de la liberté, c'est pas ça. La notion de liberté dans la droite, c'est « est libre celui qui peut agir en respectant l'ordre naturel ». Parce que si vous ne respectez pas l'ordre naturel, c'est que vous êtes esclave de vos passions, de vos vices, de vos faiblesses. Donc l'homme libre, c'est celui qui fait ce que la nature lui ordonne. C'est ça la définition de la liberté, et j'en parlerai dans ma prochaine série de vidéos, hein, dans laquelle je dis « réhabilitons le national-socialisme », parce que c'était ça justement le national-socialisme, c'était de dire « il n'y a pas de liberté individuelle qui consiste à dire « je fais ce que je veux tant que ça ne vous gêne pas ». C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est de se mettre au service de la communauté, parce que la communauté, elle est le reflet de l'ordre naturel, et la liberté, c'est de faire ce que l'ordre naturel vous commande. Et bien ça, même dans la droite nationale, très souvent, les gens sont surpris, et ils tombent des nues en disant, mais oui, mais la liberté, c'est pas de faire ce que l'ordre naturel m'impose. Et mais si, c'est ça. Parce que si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes faible, donc vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclave de vos vices. Et on le voit nettement. Les affiches au 20e siècle, début du 20e, qui étaient contre l'alcoolisme, par exemple, qu'est-ce qu'elles montraient? Elles montraient, et je la montrerai dans ma vidéo, elles montraient un alcoolo au bar, mais il était enchaîné au bar. C'est-à-dire qu'il n'était pas libre, il était esclave de l'alcool. Et aujourd'hui, ça se voit. Regardez, par exemple, quand on montre l'addiction au téléphone portable, une main qui est, et je le montrerai ça aussi, la propagande de l'État, mais qui est très bonne, elle montre une main enchaînée à un téléphone portable. Et il y a une très belle affiche que je montrerai aussi, qui est contre les addictions, et elle montre quelqu'un enchaîné soit à des jeux vidéo, soit à l'alcool, soit à la drogue, etc. C'est-à-dire qu'on a bien conscience. Parce que le drogué, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, moi je m'en fous, moi je suis libre, laissez-moi me droguer. Et on lui dit, mais non, t'es pas libre. Tu es prisonnier de la drogue. Et c'est un reste d'ordre naturel, assez inconscient d'ailleurs, qui est là, qui consiste à dire, non, tu n'es pas libre. Quand tu te saoules, tu n'es pas libre. Quand tu te drogues, tu n'es pas libre. Quand tu es sur ton portable 20 heures sur 24, j'exagère un peu, tu n'es pas libre. Tu es esclave de ton vice. Et donc, je le redis, même dans la droite nationale, beaucoup de gens vous disent « Non mais non, la liberté, c'est de faire ce que je veux tant que je gêne pas le voisin. » Mais ça, c'est la définition des droits de l'homme. C'est l'article 4 de la définition des droits de l'homme. Vous êtes dans la pensée de gauche quand vous dites ça. Et donc la pensée de gauche, elle s'immisce lentement. Elle s'immisce lentement, mais sûrement. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir aux fondamentaux. Alors je sais que on nous dit « Oui, bon... on en a marre, vous êtes toujours intellectualisé, là, Renoir, arrêtez un peu. » Mais oui, mais quand vous n'intellectualisez pas, quand vous n'essayez pas de comprendre ce qu'il y a derrière, eh bien, vous vous faites piéger. Vous vous faites piéger. Et je voudrais juste rajouter un truc si j'ai le temps, si je dépasse pas, je sais pas, enfin, arrêtez-moi quand j'ai trop parlé. Hein. Oui, très, très rapidement, oui. Très rapidement. Celle qu'on considère comme la mère du féminisme en France, c'est Olympe de Gouges. Ah oui. Hein, elle n'était pas noble au départ, mais elle est devenue par mariage, peu importe. Bon, d'abord, elle n'était pas juive, hein. C'était une bonne française de souche. Donc c'était Olympe de Gouges qui, en 1791, a dit, ah non, mais les droits de l'homme, ouais, vous dites que les hommes, c'est hommes et femmes, non. Et elle avait vu la faire venir, elle s'est dit, moi, je demande à faire une déclaration des droits de la femme. Et elle l'a faite, hein, avec un préambule. Et le premier article, c'était quoi? La femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est-à-dire que la mère, celle qui est considérée comme la mère du féminisme, c'est Olympe de Gouges. Mais Olympe de Gouges, elle est morte guillotinée en 1793. Hein, et... quand ensuite des femmes, sous la Révolution, ont fait des assemblées de femmes, on leur a dit « faites attention, vous voyez qu'Olympe de Gouges a été raccourcie, donc ne commencez pas à faire des revendications, on n'appelait pas ça féministe à l'époque, c'est venu plus tard, c'est venu en 1840 le terme féministe, mais peu importe. Donc la Révolution a été anti-femme, enfin anti-féministe. Et d'ailleurs, le code Napoléon était super anti-féministe. Ah, oui. Hein, complètement. Puisque je vous rappelle que la femme, dès qu'elle était mariée, elle était considérée comme une mineure. Elle ne pouvait pas travailler sans l'accord de son mari. Elle ne pouvait pas ouvrir de compte en banque sans l'accord de son mari. Et elle ne pouvait pas porter plainte, ce qu'on appelle ester en justice, sans l'accord de son mari. La femme était devenue une enfant dès qu'elle était mariée. Je suis d'ailleurs je dis ici que Il faut tout simplement rétablir le code Napoléon en France. Ah ben c'était ça. Ah, mais c'est-à-dire que ça allait même très loin, parce que elle pouvait pas faire de constat. Par exemple, quand le mari était adultère, elle n'avait pas le droit de faire un constat d'adultère par un huissier. Hein. Par contre, si c'était la femme qui était adultère, le mari pouvait le faire, lui. Donc il n'y avait même pas équivalence là-dessus. Le mari pouvait s'envoyer en l'air avec des autres, la femme n'avait rien à dire. Par contre, si la femme le faisait, le mari lui pouvait faire un constat d'adultère. Donc ça allait très loin. La femme était vraiment une mineure. Et ça veut dire que au sortir de la Révolution, on était encore très anti-féministe. On était encore dans une société patriarcale. Mais comme a dit une féministe en 1902, parce que je le répète, j'ai vraiment étudié le dossier, elle a dit, ah oui, mais comme les droits de l'homme avaient été posés, l'idée allait faire son chemin. Et en effet, l'idée a fait son chemin. Et tout le 19e siècle, surtout à partir de l'Empire, ça a été, je veux dire, les femmes ont grignoté petit à petit. Il y a eu le premier congrès féministe en 1896, et là, ça a été la totale. Ça a été à partir de là, ça a été la totale. Puis ensuite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, mais bon, je pourrais en parler très très longtemps, oui, parce que c'est très intéressant de voir comment une société. Mais je le ferai pas. Merci de m'avoir écouté. Non, non, mais il y aura d'autres opportunités, mais on peut faire vraiment un. Alors, on peut pas dire que c'est la cause. Mais on voit bien que l'affaissement de la culture occidentale est totalement parallèle à la montée en puissance des femmes dans la société. C'est absolument évident. Exactement. C'est la pensée de gauche qui dit qu'il n'y a pas d'ordre naturel. On en revient toujours là. Toujours oui, bien sûr. Et une dévitalisation générale, une dévirilisation générale. Les voilà. Une inversion des valeurs. Et ce qui aussi, dans l'appareil économique... favorise, parce que quand vous êtes dans une société tertiaire où on n'a plus que des prestataires de services, les qualités viriles sont moins sollicitées. Hein. Et donc les femmes s'insèrent. Hein. Donc on voit des femmes rentrer dans les bureaux, dans les postes de décision, les conseils d'administration. Et le pire, c'est dans la justice. La vente. Ah oui, la justice est terrible. La vente, je me rappelle un jour Forisson, à la sortie d'un procès, et c'était lui qui était en procès, on était venu le soutenir. Et le procès, le tribunal est avec des femmes. Et en sortant, il nous dit, eh ben dis donc, la parité, c'est pas dans la justice, mais c'est le contraire ici. On avait tous bien rigolé, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'il y a la parité en France. Vous allez me dire pourquoi, parce que c'est une loi complètement aberrante que, par exemple, les Américains ne comprennent pas. Mais heureusement qu'il y a la loi, parce que s'il n'y avait pas la loi sur la parité, il y aurait 80% de femmes en politique. Complètement. C'est ça le truc qui est fou. C'est-à-dire qu'il faudrait demander la parité dans la justice, etc. Non pas parce que c'est par égalitarisme, mais parce que c'est pour nous éviter des majorités comme on a aujourd'hui ou dans l'éducation nationale de 80-90% de femmes qui font évidemment n'importe quoi puisqu'elles ne comprennent rien à ce qu'elles font dans ces domaines-là. Je vous assure. Et d'ailleurs, les femmes les plus honnêtes le reconnaissent volontiers. Alors, messieurs, on est obligé de clore sur cette partie-là. On fait une pause musicale et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission pour parler enfin d'élections. Non pas que nous soyons des démocrates, enfin pas dans ce sens-là, hein. On est participatif mais on n'est pas des démocrates républicains, mais il faut bien quand même aller au fond des choses sur ce sujet, et puisqu'il n'y aura plus d'élection générale en France, à l'exception des européennes en 2024, mais avant 2028, ce qui est quand même une pause démocratique assez remarquable. Alors on se retrouve tout de suite après. We'll be right back. voici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 20, et on va parler des élections. Alors, ce n'est pas que nous sommes, que nous soyons, démocrates transis, hein, au sens classique du terme, mais enfin, il faut quand même bien parler de cela, puisqu'on va sortir du cycle électoral pour longtemps, à l'exception de 2024, où il y aurait des élections européennes. Mais sinon, en France, des élections nationales, il n'y en aura plus jusqu'en 2028, que ce soit les élections départementales, régionales, municipales, présidentielles, législatives, il n'y aura plus d'élections d'ici 2028. Donc ça va être un désert des tartares électorales. Donc ce soir, et encore une fois à l'exception de 2024, ce sera le désert des tartares électorales. On ne s'en plaindra pas, je pense. Par contre, nous allons subir la clique dirigeante qui n'aura plus aucune espèce de forme de restriction quant à ses projets. Alors, chers amis, nous allons pouvoir d'abord commenter les résultats du premier tour. Alors, il y a qui s'inscrivent dans l'élection présidentielle. Donc, Emmanuel Macron a été reconduit, mais je pense qu'il faut quand même s'arrêter un peu là-dessus, parce qu'il y a un phénomène que je qualifie d'illusion d'optique, qui est celle de la représentativité réelle d'Emmanuel Macron, et même de ses prédécesseurs, mais on voit justement une érosion au fil des années, puisque Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen, a rassemblé, je crois, 58% des suffrages. Bien. Alors, c'était 58% des suffrages exprimés. Il y a beaucoup d'abstentionnistes ou de votes blancs. Et il ne faut pas le perdre de vue, puisque si on additionne les abstentionnistes, les votes blancs, les non-inscrits, et les gens qui ont voté Marine Le Pen, en réalité, Emmanuel Macron rassemble du corps électoral théorique qui rassemble aujourd'hui 48 millions de Français, ou prétendu tel, eh bien, Emmanuel Macron ne représente que 38% du corps électoral réel. Autrement dit, Emmanuel Macron représente un très gros tiers de la société française. Un très gros tiers. Ce qui est une position de faiblesse absolument stupéfiante quand on y pense. À comparer, il y a 20 ans, face à Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac, qui avait remporté l'élection avec 82% des suffrages exprimés, avec une très forte participation. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, en 2002, était absolument en minorité dans la société française, mais absolument. Alors, je ne dis pas que Marine Le Pen est majoritaire, attention, hein, ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis que quand on regarde la chose un peu différemment, en s'intéressant aux gens qui sont dans une position anti-establishment, de contestation, une position populiste, on va dire, soit par désertion, je m'abstiens, je m'inscris pas sur les listes, je m'en fous des élections, ou alors je vais voter, mais il n'y a aucune des propositions qui me convient, je mets un vote blanc, ou alors je vote protestataire, je vote Marine Le Pen, parce que c'est elle qui s'est qualifiée, mais j'aurais pu voter Mélenchon, parce que ce serait lui qui s'est qualifié. Quand on fait la totalité, on est sur un déséquilibre qui est considérable, je veux dire, donc Macron à 38, et le reste de la société à 62. Alors oui, techniquement, il remporte la mise, c'est un fait. Ça, c'est la première chose. Et alors, aux législatives, ben, l'effet déformant d'optique est très accentué, puisque l'abstention est énorme. C'est un phénomène qui n'est pas tellement commenté. Oui, les médias en parlent. Oui, c'est évoqué. Je ne vais pas dire qu'il n'y a absolument rien sur le sujet. C'est pas ça. Mais bon, On traite ça comme un phénomène secondaire. Mais pas du tout. C'est le phénomène central. Le phénomène central des élections, c'est que la majorité des gens ne va pas voter. Ce qui est un désaveu absolu pour le système. On nous explique que l'élection, c'est le principe autour duquel, enfin le principe organisationnel autour duquel tout le reste est agencé. On nous dit c'est le moment, hein. Voilà, le devoir du citoyen, nous dit-on. Et personne n'y va. j'exagère, mais une majorité de Français n'y va pas. Elle n'y va pas aux municipales, elle n'y va pas aux européennes, elle n'y va pas aux régionales, elle n'y va pas aux départementales, elle n'y va pas aux législatives. Elle y va simplement pour désigner le président de la République. J'ai vu le propos de Jérôme Fourquet, c'est un sociologue que j'apprécie assez, je dois le dire, il vient de la gauche, modérée, hein, centre-gauche, quelqu'un d'assez pondéré dans ses propos, mais il dit, oui, aujourd'hui les Français, dans leur très grande diversité et même leurs oppositions, ne voient plus qu'une seule élection comme ayant une quelconque utilité, c'est l'élection présidentielle, et dit Jérôme Fourquet, il s'agit de désigner le syndic de la copropriété. Rien de plus. Plus de transcendance, plus de vision du père archétypal en charge de la nation, tout ça évacué, il faut désigner un syndic de copropriété, qu'on va d'ailleurs blâmer dès le lendemain matin, quoi, hein. Et j'ai trouvé ces propos frappés du coin du bon sens de la part de Jérôme Fourquet. Et alors, quand on intègre totalement l'abstention, qui est absolument colossale, 53% au premier tour des élections législatives, 53 points. Hein. Donc la majorité absolue du corps électoral qui refuse d'aller voter. Ah bah, la victoire alléguée des partis qui participent est relative par voie de conséquence. Donc alors je vous donne ce propos qui résume bien la chose. J'ai trouvé ça sur Twitter parce que c'est quelqu'un qui était sur Twitter qui a formidablement bien synthétisé le truc en quelques mots. À la louche, sauf erreur, nous dit cet observateur, en comparant 2017 et 2022, la gauche des quatre partis NUP est stable à 5,9 millions de voix. Ils sont stables. Pas de progression. Ensemble, donc les macronistes, en perd 1,5 million, de 7,4 millions à 5,9, jouant quasiment ex aequo d'ailleurs avec la confédération de gauche qu'est la NUP. LR perd 1,2 million, de 3,6 à 2,4, liquidation effectivement du parti gaulliste. Mais l'extrême droite, combinée, enfin prétendue telle, RN Reconquête en gagne 2,2 millions, passant de 3 à 5,2. Voilà. Donc voilà la réalité arithmétique électorale. Alors là-dessus, arrêtons-nous sur cette abstention de masse, en tout cas pour tous les suffrages à l'exception de la présidentielle, de la victoire trompeuse mais technique de Mélenchon, qui ne progresse pas en réalité en termes de voix, mais qui parvient au sein de la gauche à prendre l'ascendant sur les autres partis et à dicter sa voix, et donc à polariser de plus en plus la gauche vers la gauche. Donc en fait, la gauche radicale prend l'ascendant sur toute la gauche et satellise le PS, etc. Donc c'est ça la dynamique interne, mais en chiffre absolu, pas de progression. Et par contre, est constaté une réelle avancée pour ce qui concerne ce qu'on appelle l'extrême droite, du moins en termes de volume, passant de 3 à 5,2. Alors, quelle est votre réaction là-dessus? Je vais peut-être commencer. Commençons avec Sobieski. Commençons avec Sobieski. Alors, moi, ça va être simple. Le grand vainqueur, le grand seul vainqueur, c'est l'abstention. C'est l'abstention, ça veut dire que les Français n'en ont plus rien à foutre. Alors, en tout cas, les Français et la diversité, les chances pour la France, tous disent on n'en a rien à foutre. Voilà. Et je pense qu'ils ont raison, parce qu'on vit dans une société qui est une démocratie non participative, au contraire de vos serviteurs. Et comme tu disais, Gandalf, la victoire de la NUP est très, très, très, très trompeuse. C'est-à-dire que ces types-là, vous allez les voir, parce que vous vivez sûrement, comme nous, dans un environnement gauchiste, avec des imbéciles qui pensent que Mélenchon, c'est Chavez. Bon, Chavez, il savait charger une Kalachnikov. Je suis pas sûr que Mélenchon sache charger quoi que ce soit, hormis son compte en banque. Son compte en banque. Ah oui, voilà. Son compte en banque, son compte en banque et la marocaine. Mais les résultats de la NUP, c'est quand même assez très trompeur, parce qu'il faut quand même se dire que c'est pas 4 partis, c'est 15 partis, parce qu'il y a plein de micro partis qui gravitent autour, ah oui, et oui. Qui sont là au niveau local pour bourrer les urnes, parce que bon, je veux dire, on sait en plus que ces gens-là, ils ont les mains sur ceux qui dépouillent les résultats, donc bon. Et les électeurs aussi, hein, ils ont la main sur ceux qui dépouillent les électeurs. Exactement. Au coin de la rue, hein, donc voilà, hein, suivez mon regard, voilà. Les Arabes, hein, voilà. Alors que mine de rien, la droite occupe un bon tiers grâce à trois partis, quoi. Même si les Républicains c'est un parti. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un système quand même qui est en place. C'est-à-dire que t'as un système institutionnel, t'as des règles, c'est comme un match, quoi. Tu peux dire, les gars, sur le papier, on est les plus forts, on a la meilleure équipe, on va tous les éclater. Oui, mais il faut être au rendez-vous sur la pelouse. C'est-à-dire qu'il faut pas que le bus soit bloqué sur la voie express et tu peux pas accéder au stade. Tu vois, je veux dire, il faut quand même y aller. Faut que tes supporters soient présents. Enfin, faut que tout le monde joue le jeu. Alors, on peut dire, oui, la NUP, je sais pas comment on présente, on doit appeler ça, mais ils n'ont pas progressé, certes, mais ils ont joué le jeu et techniquement ils sont en situation de gagner et donc ils vont avoir des députés et donc ils vont influer sur le vote des lois. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a une réalité institutionnelle qui s'impose à tout le monde. Donc même si dans la société française, il n'y a pas de basculement à gauche, contrairement à ce que peuvent faire croire le résultat des élections, il n'y a pas une surmobilisation de l'électeur. Je voyais d'ailleurs par rapport à l'élection de Mitterrand, effectivement, le tassement effroyable de la gauche. En réalité, la gauche ne mobilise pas l'électorat populaire. Mais dans cette désertion générale, il faut, oui, les absents ont toujours tort. Enfin, entre guillemets, moi je suis pas du tout un partisan du vote. Mais justement, fatalement, ceux qui votent pas ne votent pas. Donc ceux qui votent ont raison, fatalement. Et donc parmi ceux qui se mobilisent, c'est ceux qui se mobilisent le plus qui raflent la mise, quoi. Voilà. Donc, et comme tu as cette institution qui bouge pas, qui est la République française avec ses règles, c'est au quart, tout en étant pas plus brillant qu'avant, il rentre en force dans l'Assemblée. Voilà, ça c'est le reproche que moi, enfin, je vais pas le reprocher, au sens où je suis un adepte absolu du boycott des élections, mais du point de vue politique de ceux qui croient aux élections et qui se mobilisent dans ce cadre-là. Marine Le Pen, qui est qui appelle à voter tout le monde, enfin, elle fait campagne et ça. Marine Le Pen a démontré son incompétence totale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit aux élections, c'est quelqu'un qui appelle les gens à voter pour elle, et au moment fatidique, elle sabote la position des gens qui ont cru en elle, donc ça c'est tout de suite au lendemain du premier tour, du second tour de l'élection présidentielle, où elle dit Macron a besoin d'une majorité. Elle dit c'est la logique des institutions. Là on se froide les yeux. Il y a un petit peu plus de deux semaines, vous étiez au second tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez faire mieux dans un mois aux législatives et obtenir la majorité? Je pense que la logique des institutions veut que le président de la République ait une majorité. Tous ceux qui racontent autre chose racontent des fables. Pendant ce moment, dans le même temps, Mélenchon dit « Non, je serai le Premier ministre ». Donc il prend complètement à revers la rhétorique de Marine Le Pen en disant « J'ai perdu, voilà, tout le monde rentre chez soi ». Et Mélenchon dit « Non, on ne rentre pas chez soi, pas du tout. Non. Il y a une troisième manche, aux législatives. Faites-moi nommer Premier ministre, votez pour nous ». Et le truc amorce dans l'opinion parce que les gens sont en colère. Il y a une colère populaire énorme qui se traduit par l'abstention, qui se traduit par le vote populiste. Et les populistes qui ont voté Marine Le Pen, une partie d'entre eux, j'ai vu les derniers chiffres, à vérifier, mais presque 40% de l'électorat de Marine Le Pen est d'accord de se reporter sur Mélenchon par refus de l'establishment en place. Non pas par amour pour Mélenchon, mais par colère. Et cette gourde horrible de Marine Le Pen, alors, je ne vais pas croire qu'elle ne l'a pas vu. Elle a très bien compris. Mais elle a voulu saboter l'élection. Elle a sciemment voulu donner à Macron l'élection qu'il recherche. Et pour moi, c'est évident que Marine Le Pen négocie en douce avec Macron une amnistie judiciaire. C'est évident. Alors que Mélenchon, lui, il est passé. Il est passé avec son discours. Et c'est ça que Marine Le Pen n'a pas vu. C'est-à-dire qu'elle se disait, voilà, je prends 42 au deuxième tour. Je dis à tout le monde, il n'y a plus d'enjeu, rendez-vous dans 5 ans, terminé, je négocie avec Macron en douce mon amnistie. Comme Sarkozy est en train de négocier son amnistie avec Macron en douce. C'est pour ça qu'il est en train de trahir LR d'ailleurs. Oui, mais non, Parce qu'il y a un troisième acteur. L'électorat n'est pas captif de deux acteurs. Il y a trois acteurs. Donc si Marine Le Pen ne veut pas jouer le match, qu'à cela ne tienne. Mélenchon, il le veut. Et si ce n'est pas Mélenchon lui-même, c'est tous les gens autour de lui, qui sont des gens extrêmement revendicatifs. Et c'est là que toute la stratégie de Marine Le Pen se gonfre. Et voilà quelle est mon interprétation de la situation. Donc, sur fond d'abstention, de colère populaire, de populisme, de faisants truqueurs qui sont au RN, qui se font doubler par des vieux renards de la politique, parce que, excusez-moi, Mélenchon, 30 ans de politique en France. Le mec connaît les institutions, il connaît le Sénat, il connaît l'Assemblée nationale, il a été ministre d'un gouvernement de gauche, il a été au Parti socialiste. Il est blanchi sous le harnais de la République française, il connaît tous les coups. Voilà, j'ai parlé trop longtemps, excusez-moi, mais voilà. Bah, le truc aussi, tu vois, c'est que Marine Le Pen, la seule chose qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a fait campagne. Elle a fait campagne son parti, en tout cas, puisqu'elle est partie en vacances très vite. Ah oui. Et son parti a fait, et lui, il a détrompe-toi, son parti a réussi son objectif. Son objectif, c'était de tuer Zemmour. Oui. Tu vois, les gars, plutôt que de préparer une contre-offensive pour les législatives, non, on va tuer notre concurrent. Ouais. Non, mais c'est pour dire à quel point cette démocratie ne génère que de la médiocrité. Et au final, voilà, les Français, ils vont peut-être apprendre une leçon, c'est que voilà, Macron est pourri, la gauche est pourrie, mais le camp national est encore plus pourri. Parce que oui, ces gens-là savent, ils savent très bien, et ils vantent le fait de se soucier de ces gens-là, mais en fait, ils en ont rien à foutre. Et moi, tout ce que je vais faire, j'éclore en citant un des derniers discours de Poutine, c'est « Il y aura une profonde dégradation en Europe, les élites actuelles vont être remplacées, les mauvaises politiques actuelles conduiront à une augmentation des sentiments nationalistes et extrémistes dans toute la société européenne. » Il a raison, mais Vladimir Poutine est le seul homme d'État européen, parce que j'inclus l'Europe, la Russie dans l'Europe, à avoir une hauteur de vue que non avec plus, Orban. Avec Orban. C'est certain. Et je dis ça, c'est pas parce qu'il serait de notre bord, c'est que dans les interventions, les références historiques, c'est-à-dire que c'est des gens qui s'inscrivent dans le temps long. Quand ils prennent la parole, ils s'inscrivent dans le temps long. Ils sont pas dans l'immédiateté. Ils sont capables d'expliquer une démarche dans le temps long. Il y aurait un gars de gauche qui serait capable de le faire en disant, voilà, vous comprenez, historiquement, ceci, cela, etc. En balisant, en fait, l'espace spatio-temporel, en expliquant sa démarche, automatiquement, il aurait une envergure complètement différente. Mais tous les autres tocards qui sont des petits tacticiens démocrates qui gagnent une élection sur une autre avec des combines, ces gens-là, ils ne sont pas conditionnés pour avoir une grande vision, d'abord pour comprendre leur peuple, et ensuite pour porter leur peuple vers quelque chose. Ils n'ont pas de vision. C'est ça ce qui leur manque formidablement. Donc évidemment, Poutine, et c'est ça la force des régimes autoritaires, c'est que vous pouvez vous inscrire dans le temps long, vous n'avez pas à vous soucier de la question de la légitimité du pouvoir. Moi, je suis partisan des régimes autoritaires, moi je le dis, j'ai toujours été partisan des régimes autoritaires. Je n'ai jamais cru à la pertinence du système démocratique, jamais. Et on le voit par la qualité des chefs. Oui, d'ailleurs, leur peuple, voilà, que ce soit Poutine ou Orban, Orban qui est en train de fêter ses 12 ans de pouvoir, et Poutine, ça doit être bien 20 ans. 20 ans. Eh bien, en attendant, leur peuple l'aurait redevable. C'est pas vraiment le cas en France, puisque les politiciens en France ne sont pas appréciés plus que ça, puisque on a une abstention qui gagne les élections. Je veux dire, ils sont nuls, voilà, ils sont mauvais, ils sont médiocres, ils sont vraiment d'une, ils sont même pas, ils arrivent même pas à faire semblant correctement, excepté pour Mélenchon. Je veux dire, donc au moins voilà, au moins Poutine et Orban, c'est des gens qui arrivent à mais tu voilà, sais, ils ont cette aura légitime, ils ont cette aura légitime que Mélenchon, n'ont pas. Mélenchon est le moins inintéressant de tous. Je suis d'accord. Parce que, en fait, indépendamment des positions de Mélenchon, et de du rôle délétère qu'il joue et des forces qu'il utilise pour parvenir à ses fins, essentiellement les forces islamiques, etc. C'est au moins un homme qui réfléchit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des références culturelles. Au moins, je veux dire, il est capable d'avoir un discours. Moi, j'ai écouté le discours de Mélenchon pour évaluer la personne. Ça. Bon, je suis pas du tout enthousiasmé par sa rhétorique. C'est quelqu'un qui aime bien s'écouter parler. Jean-Marie Le Pen lui avoue des qualités d'orateur. Hein. Bah oui, mais c'est tellement pas difficile quand on voit qu'il y a rien en face. Enfin, c'est ça aussi, quoi. C'est en fait, il triomphe pas tellement parce qu'il est exceptionnel, mais plus parce qu'il y a pas de concurrent. Voilà. Donc ça, c'est la réalité. Macron est un pitoyable orateur. C'est affligeant. Macron est affligeant quand il prend la parole. C'est terrifiant. Alors bon, il bosse, parce que les mecs en communication essaient de lui dire. Alors, il a toujours des réflexes de communicant. Ça sonne faux. Enfin, c'est faux. Ils sont en plastique, ces types. Alors Marine Le Pen, c'est pire que tout, parce qu'elle est con, elle ne connaît pas la communication. Elle est nulle, absolument nulle. Et si vous voulez, elle confond la vulgarité avec le populaire. Elle est vulgaire, mais pas populaire. Voilà. Bon, les jeunes votent pour elle, mais c'est vraiment en dépit de tout, quoi. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui croient absolument en Marine Le Pen, je sais pas, mais auquel cas, je les plains. Mais c'est... Et en plus, je pense, fondamentalement, je pense que ces fans méprisent le peuple, quoi. Si c'est vraiment ce que je crois être, c'est-à-dire une parvenue, donc vraiment la Thénardier typique, qui se hisse par opportunisme et qui veut accéder à la classe supérieure, à laquelle elle n'accédera jamais, en dépit de ces 42%, parce qu'on est dans un système où tu peux faire 42% au second tour des élections présidentielles et où tu restes, en définitive... le système te considère en dépit de tout, les élites considèrent en dépit de tout comme une espèce de prolo parvenu, voilà. Eh bien, tu restes dans le caniveau. Eh bien, les gens comme ça, qui ont ces réflexes opportunistes de parvenu, ce sont les plus méchants avec les gens du peuple. Parce qu'ils en viennent et ils veulent s'en dissocier. Ce sont les gens les plus méchants avec le peuple. Je suis convaincu que Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui est la plus détestable avec Mélenchon, avec les gens du quotidien. Des gens vraiment détestables, haïssables, au plan humain, j'entends. Ouais, ça c'est ma conviction. T'as qu'à voir Mélenchon quand il discute avec des tribuns, il est odieux quand il les agresse. C'est un mec infect. Il est odieux. C'est un mec infect. Il a la gueule de l'emploi en fait. Oui, absolument. Il a la gueule de l'emploi. Mais Marine Le Pen, moi ma première impression de Marine Le Pen, j'ai trouvé cette femme infecte. Humainement, j'ai trouvé que cette femme était infecte. Je trouve qu'il y a une scène qui est assez révélatrice au soir du premier tour. On la voit se précipiter à reconnaître sa défaite avant même que les résultats ne soient publiés, comme s'il fallait absolument faire allégeance au nouveau grand roi. Franchement, c'est pas normal. En communication, c'est pas normal. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé. Vincent. Alors bon, là, on disait encore du mal de Marine Le Pen. Je te demande pas de dire du mal de Marine Le Pen, c'est pas le sujet. Mais quand même des grands faits comme ça, comme l'abstention, parce que je crois que c'est le moment le plus important, parce que alors c'est pas que ça fasse rougir les démocraties, hein. Les démocraties avec 10% du corps électoral qui participe, ils diront non mais c'est gagné à la régulière, y a pas de problème, le pouvoir est légitime, évidemment, hein, y a pas de souci. Mais toi, quand tu vois ça, quand tu vois ce le peuple français qui abandonne complètement tout ça, il dit on s'en fout. Que ceux qui votent sont surtout des vieux, pour des histoires de retraite, horribles questions immédiates de vieux qui veulent avoir leur pension, aucun intérêt pour le futur des jeunes blancs, etc. Ils s'en foutent totalement. Quand tu vois ça, toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu tires comme conclusion? Après c'est cette année passée à observer des gens qui s'insultent dans tous les sens. On dit, d'abord en prétendant que c'était un enjeu crucial alors que ça ne l'était pas. Et au final, pour voir qu'en fait, le statu quo est plus rayonnant que jamais. Alors j'aimerais t'entendre là-dessus et nos auditeurs aussi aimeraient t'entendre là-dessus. J'ai connu l'abstention un peu moins forte, mais elle était déjà très forte puisque je me souviens quand j'étais jeune adolescent, Il y avait une publicité qui passait à la télé, c'était « Votez pour qui vous voudrez, mais votez ». Donc ça, il y avait déjà le problème de l'abstention qui tarabustait un peu la République. Alors, personnellement, et là je peux me tromper parce que la politique c'est pas non plus mon truc, ma spécialité, mais j'analyse l'abstention déjà comme une résignation. C'est-à-dire que les gens ne votent plus parce qu'ils disent de toute façon ça ne changera rien. Et ils disent que ça ne changera rien parce qu'effectivement, l'expérience a montré que ça n'a rien changé. Je me souviens encore de 1981, lorsque la gauche est arrivée au pouvoir. Il y a eu dans les classes populaires à l'époque, un engouement. On pensait vraiment qu'après 7 ans de Giscard, après même 20-30 ans de droite, ça allait changer. Et puis il y a eu l'état de grâce qu'on a dit. Et puis rapidement, il y a eu ce que Mitterrand lui-même a appelé la rigueur. Donc, il y a eu un coup de massue terrible sur le peuple qui s'est dit « mais ça n'a rien changé ». Et à partir de ce moment-là, j'ai vu quelque chose se passer. Et je l'ai d'abord vu dans ma famille et ensuite dans la société. Si je dis d'abord dans ma famille, ça veut dire que ça a été un phénomène naturel. C'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai vu petit à petit un arrêt des discussions, notamment à table dans les réunions familiales. De plus en plus, les gens évitaient d'aborder les sujets qui fâchent, mais parce qu'en fait, il n'y en avait pratiquement plus. Et puis, on discutait de la pluie et du beau temps, et alors qu'avant, la politique pouvait donner lieu à des disputes, non, petit à petit, j'ai vu les gens, mais de toute façon, ça change rien. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. De plus en plus de gens disent de toute façon ça ne changera rien. Alors on va me dire oui mais ils votent davantage à l'élection présidentielle. Alors moi j'y vois deux raisons. La première c'est celle que tu as dite par l'intermédiaire de ce sociologue. Ben oui en fait on élit le syndic de la propriété. C'est tout. Mais voilà il n'y a aucune vision d'avenir, aucune vision du pays. Ce qu'on élit, c'est ça. Ce qu'on élit, c'est un directeur des ressources humaines, quoi. C'est tout. Et puis, il y a une autre chose aussi. Comme les gens aiment bien se divertir, l'élection présidentielle, c'est simple. C'est deux candidats finalistes. En fait, il y a d'abord comme le premier tour, c'est comme une demi-finale. Puis le second tour, c'est comme une finale, en fait. C'est un peu un pré-Roland Garros, quoi. Je veux dire, donc, on s'amuse. Il y a beaucoup de gens, c'est ça, mais je veux dire, après, ça va pas plus loin. Donc, personnellement, moi, j'analyse cette abstention, c'est ça, comme un peuple résigné. Alors, le problème, maintenant, il est de savoir ce que peut donner ce peuple résigné. Va-t-il complètement se résigner jusqu'à la mort, ou va-t-il, à un moment, se réveiller? Bon. Alors, deuxièmement, et en effet, là, vous avez tous raison, nous sommes face à des politiciens qui sont, d'une médiocrité affligeante. C'est vraiment affligeant. Enfin, je veux dire, quand on compare, bien sûr, on va dire c'est mon fantasme, mais quand on compare avec le Troisième Reich, voilà, mon Dieu, il n'y a pas de comparaison, c'est un abîme, c'est des années-lumière. Mais d'un autre côté, quand je vois la plupart des gens, ce qu'ils veulent faire, moi je veux la sécurité de l'emploi, je combine pour pouvoir travailler moins, gagner plus, grappiller ci, grappiller ça, aller en vacances. Je me dis que finalement, on a toujours ce qu'on mérite, hein, on a les chefs qu'on mérite, hein, un peuple médiocre. J'ai pas de mépris, mais enfin j'ai l'air d'en avoir, mais j'en ai pas, mais bon, j'ai écouté un peuple médiocre qui cherche juste à assurer son avenir, que ce soit par sécurité de l'emploi, par les assurances. Il élit des assureurs. Il élit des assureurs et des responsables, des ressources humaines, c'est tout. Hein. Donc, et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des gens qui ont un talent politique énorme. Hein. Ce qu'on veut, ce sont des fonctionnaires, ce sont des gens qui savent gérer. Le syndic, merci. Quoi, hein, le syndic. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis, que je dis, hein, vous savez, quand j'avais l'habitude de dire ça il y a quelques années, hein, quand la vie, ça se résume à se remplir les fouilles et à se vider les couilles, c'est pas la peine d'avoir des grands politiciens, hein, pardonnez-moi, mais c'est ça. Donc, voilà, parce que c'est ça la vie finalement. Hein. Bon, je suis un peu vulgaire en disant ça, c'est pas mon... les gens ont vu que c'est pas ma personnalité, mais enfin c'est ça. Mais c'est bien dit. C'est vulgaire quand c'est vulgaire, hein, voilà. Donc voilà, ouais, bah, vous voulez vous remplir les fouilles et vous lui dites les couilles, bon ben voilà, bah, vous avez ma couille. Ah, j'adore. Comment ? J'adore, c'est excellent comme phrase. Ben voilà, ouais, c'est ben moi oui, qui l'ai eu un soir en regardant justement, en disant, mais c'est ça les gens finalement. Voilà. Donc. Oui, vas-y, Vincent, oui. Bon, et alors, je disais, alors voilà, alors, il est évident qu'encore une fois, la droite nationale, enfin, ce qui représente la droite nationale, et moi je ne critique pas, hein, je ne critique pas, c'est-à-dire que je n'en veux pas à ceux qui critiquent, Marine Le Pen est aisément critiquable, Éric Zemmour peut être aisément critiquable, mais voilà, ce sont eux qui, faute de mieux, représentent la droite nationale. Alors Marine Le Pen, bah, elle a officiellement dit, moi je dédiabolise à fond, voilà. Eh bien, elle a progressé de 2 millions de voix, encore une fois, pour moi c'est très très honorable, mais pardonnez-moi, en fait, dans la situation où on est, après 40 ans d'échec des partis du système, après encore une fois 5 ans de Sarkozy, 5 ans de Hollande, 5 ans de Macron, c'est pas plus de 2 millions de voix qu'elle devrait avoir. Ce soir, ce serait pas un groupe de 30 à 50 députés, c'est 160, 180 députés ouais, qu'elle devrait avoir. Ça, enfin, je veux dire, voilà. S'il y avait eu un dirigeant compétent à la place de cette gourde, s'il y avait eu un équivalent d'un Orban, par exemple, bah, on aurait peut-être eu un plus 10, mais là, c'est juste 2, quoi. Mais je veux quand même dire ce qui s'est passé avec Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen arrive au soir du second tour à 42% des voix à l'élection présidentielle. Ça devrait se convertir à l'Assemblée nationale par la constitution du principal groupe d'opposition. Nous sommes d'accord. C'est-à-dire les 42% doivent se convertir en un groupe parlementaire puissant, organisé, qui va structurer l'opposition au pouvoir en place dans l'objectif, effectivement, de prendre le pouvoir aux élections suivantes. N'est-ce pas ? De restructurer le pouvoir politique en France. Et on voit une Marine Le Pen qui se fout totalement de son score, qui a l'air très heureuse d'avoir rempli ses caisses avec ce score, et qui dit, oh là, fin du match, au revoir, merci. Et qui rejaillit une dizaine de jours plus tard, ah oui, mais en fait, il y a des législatives, là, on la voit apparaître, hein, d'ailleurs, hein, à un moment. Ah oui, comme une fleur, hein, elle arrive, voilà. Ah oui, il y a des élections, voilà. Mais pas paniquer, il n'y a pas d'enjeu. Mais attendez, je veux dire, c'est les femmes en politique. Déjà, d'une part, une femme, c'est catastrophique. Une femme, c'est catastrophique. C'est pas au niveau, d'accord. C'est pas au niveau. C'est-à-dire que le pays est en train de s'effondrer dans ses soubassements, industriellement, financièrement. Il est submergé racialement. Nous sommes à un tournant évident, absolument. Je veux dire, le leader d'une opposition qui, quelle qu'elle soit, arrive au deuxième tour, il s'insurge. Il est au front dès le lendemain matin. Il n'a pas gagné l'élection présidentielle, c'est pas grave. Il est au front dès le lendemain matin. Il veut un maximum de députés. Il pense même pas aux vacances ou je sais pas quoi. Ça, c'est les vacances des trucs de bourgeois. Lui, il est déjà dans l'activité parlementaire. Il est déjà en train de dire, je vais mettre ce mec-là. Il n'y a pas de vacances. On est un chef de peuple. On n'est pas en vacances, d'accord. Jamais. Si on veut sauver un peuple, on oublie les vacances, d'accord. Il fallait opter pour autre chose. Marine Le Pen, pas du tout. Elle se pose comme une fleur. Elle arrive à c'est extraordinaire. Voilà. On l'interroge. Elle veut tuer Zemmour. C'est ce que vous dites. C'est ce qui a été mentionné un petit peu avant. Elle veut tuer Zemmour. Un concurrent. Non pas pour des raisons politiques. Ça n'a rien à voir avec des raisons politiques. Il me fait de l'ombre. Il pourrait bien me capter quelques millions de voix. Et en tout cas, il me fait de l'ombre. Moi, je veux mes rentrées d'argent. Garanties par nombre d'électeurs. Par la République. Il faut que je le tue. Il faut que je le tue, ce type-là. Il faut que je le flingue. Pas d'alliance. Pas de dynamique politique, pour imposer une masse à l'Assemblée. Hors de... Moi, je veux flinguer la boutique d'à côté. Logique, logique de tenancier de bistrot. Oui, mais ça sera tout... c'est ce qu'ont toujours été les Le Pen. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Je ne sais pas si les autres la partagent. Je parle quand... Je la partage. Je c'est, la partage. C'est que mon nom, hein, ici. Moi, je m'exprime quand, quand je parle, je donne mon opinion. Ce n'est que la mienne, pas celle des autres. Donc, il les flingue. Aucune dynamique. Elle dit, oh là là, et pour justifier justement l'assassinat politique de Zemmour, dont par ailleurs je suis critique, attention, hein, elle dit, bah oui, mais vous comprenez, mais vous, oh bah oui, mais Macron, il a gagné l'élection, il a, alors qu'est-ce que vous voulez, il a besoin de sa majorité, le président sortant, alors pourquoi se soucier, pourquoi essayer de faire miroiter des possibilités de coalition à l'Assemblée? Vous n'avez rien compris. C'est ce que dit Marine Le Pen. Et très rapidement, après le deuxième tour, elle dit ça à son électorat. Elle le dit pour justifier, en fait, le fait de ne pas s'allier avec Zemmour. Elle dit, mais écoutez, arrêtons de nous mentir. Pourquoi essayer de forger des alliances alors que le président de la République, sous la Ve République, doit avoir sa majorité? Donc elle dit, voilà, pour justifier l'assassinat de Zemmour, elle dit, mais Macron, il a besoin de sa majorité, donc moi, j'ai pas de raison d'appeler à former une coalition avec Zemmour, ça n'a aucun sens, au plan des institutions. Et elle laisse, comme, et elle laisse le truc couler, elle laisse le truc couler comme ça. Et face à nous, je dis nous, et ici, t'as nous, un nous générique, on a des gens de gauche qui ils peuvent avoir tous les défauts qu'ils ont. Mais ils ont toujours en eux cet ADN fondamental qui est un ADN révolutionnaire. Et eux, vous leur faites pas croire qu'il n'y a aucune occasion qui n'est pas bonne à prendre pour exploiter le pouvoir. Eux, il y a un espace qui est vide, ils sautent dessus. Mélenchon, il n'a pas attendu. Et il réussit cet exploit, qui est un tour de force politique, pardonnez-moi, d'être le troisième homme de l'élection présidentielle, c'est-à-dire par définition le perdant, de devenir l'opposant au système, le gagnant politique. Mais ça n'a été possible. Parce que les gens ont dit, oui, mais Mélenchon a été très habile. Oui, oui, il a exploité sa main, mais ça n'aurait jamais été possible ni pensable si Marine Le Pen n'avait pas démissionné tout de suite, en le faisant savoir à tout le monde. Mélenchon ne pouvait le faire qu'avec l'aide de Marine Le Pen. Marine Le Pen devait céder la main à Mélenchon pour que ça se produise. Et là, on est stupéfait. On est stupéfait. On est complètement stupéfait. Et malheureusement, je crois... Alors évidemment, l'horrible Marine Le Pen va continuer à sévir, mais au bout d'un moment, il faut quand même tirer des conclusions, quoi, je veux dire... Ce qui se produit ne vient pas de nulle part, d'accord, il y a des responsabilités. Et comme les gens reconduisent sans arrêt les lepénistes, eh ben ils ont des réflexes, ils ont. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire, et j'en termine, ce qu'ils ont fait là, qui est le truc le plus odieux qu'ils aient jamais fait, hein. De loin. C'est-à-dire, Marine Le Pen a commis la chose la plus odieuse qui ait jamais été commise par un représentant de la droite nationaliste. Ça n'a jamais été fait. De dire « Macron mérite sa majorité ». Ça n'a jamais été fait. Marine Le Pen a donné son onction à la victoire de Macron. C'est ça qu'elle a fait au lendemain du deuxième tour. On ne peut pas ne pas tirer de conclusion. On devrait tirer des conclusions. Mais malheureusement, les gens, par pesanteur, vont continuer à reconduire cette tocarde. Et après elle, je ne sais pas quel représentant encore de sa phrase... Parce que c'est du népotisme à tous les étages. Ça, c'est, il faut être le cousin d'eux, le beau-frère de machin. Bon, on n'en sort plus, quoi. Voilà. Bon, mais justement... Voilà. Oui, justement, on en revient toujours à la même chose. Il y a un mal au sein du peuple lui-même, parce que tu le dis bien. Ils reconduisent... Donc, Les gens du Rassemblement National vont reconduire Marine Le Pen, et puis après, voilà, un autre. Et au niveau national, les gens, ça fait 40 ans, qui reconduisent des gens, des candidats du système. Et je voulais dire à propos de Marine Le Pen, moi, quelque chose qui m'a extrêmement choqué, c'est au soir du premier tour de l'élection présidentielle, législative, son parti a quand même subi un revers, il n'a plus de 19%, enfin bon, il est distancé par la NUPES et par Macron, mais la voilà très contente, super contente, et pourquoi? Parce qu'elle est en tête à Hénin-Beaumont. Ça fait vraiment la personne, c'est moi, c'est moi, non, c'est bon, je suis vachement satisfait, je suis en tête chez moi. Mais elle aurait dû dire, ah, voilà, c'est quand même dommage, j'avais 42%, je m'attendais à être à nouveau au coude à coude avec Macron, ou au moins un petit peu derrière, je me retrouve troisième, c'est une catastrophe, vite, il faut se réveiller. Non, pas du tout. Super contente parce qu'elle est en tête chez elle. Et ça, moi, ça m'a extrêmement choqué. Ça m'a extrêmement choqué. Mais encore une fois, voilà, pour moi, c'est l'émergence des gens qu'il y a derrière. Quand un peuple est fatigué, comme fatigué de vivre, eh ben, il a les élus qui méritent. Et en plus, je veux dire, c'est quand on a envie de foutre le bordel en France, comme c'est le cas aujourd'hui, ben forcément, on va se reporter sur certaines options radicales, mais de gauche, parce que plus habile. Alors, je vous donne un sondage qui a été réalisé cette semaine, et après, ensuite, on se sépare là-dessus. Mais regardez, c'est tout à fait stupéfiant. Alors, le programme du NUPES, plébiscité dans les sondages, il y a une enquête d'opinion par l'IFOP, hein, donc c'est pas... C'est pas un groupuscule d'extrême gauche qui a sorti ça de son chapeau. Hein, voilà. Alors, voici ce que dit l'opinion publique française. Le blocage des prix, donc, qui a eu le succès qu'on sait durant la Révolution française. 89% favorable. Plus d'écologie, c'est-à-dire. Alors, plus d'écologie, ça veut pas dire on aime les oiseaux. Hein, non, ça veut dire de restrictions, d'interdictions. 81% favorable. Rétablissement de l'ISF, bon, pour ce que ça vaut. 79% favorable. Retraite à 60 ans, 77% favorable. Alors attention, là aussi, il faudrait que je commente là-dessus brièvement. Je suis pas pour la retraite à 80 ans, parce que dans ce système-là, c'est une escroquerie. Mais c'est pour vous dire, en fait, que où est l'imaginaire des gens ? C'est-à-dire, où se situe leur priorité ? C'est-à-dire qu'en fait, les types, quand on leur demande, vous voulez la retraite à quel âge ? Ils disent, ah bah oui, 60 ans, en fait, ils ont envie de 55 ou 50 ans, en réalité. C'est-à-dire que c'est de cela couler douce. C'est-à-dire, c'est ça l'imaginaire des Français. C'est, en fait, c'est des congés payés. C'est ça. On n'a pas bougé d'un iota en un siècle, en 90 ans, par rapport au Front Populaire et aux congés payés, quoi. Je veux dire, on en est toujours là. L'imaginaire qui gouverne la France est le même depuis 100 ans. Et enfin, le SMIC à 1500 euros, 76% favorable. Bah oui, pourquoi pas ? Mais moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas à 2000 euros ? Pourquoi pas 2500, je veux dire, pourquoi manquer d'ambition y aille franchement, allez, allons-y, on y va. C'est qu'est-ce que disait l'humoriste, là, comment il s'appelait, là, qui est décédé, il y en a eu beaucoup, mais enfin, peu importe, il disait, quand des ouvriers demandent 0,5% d'augmentation, mais qu'est-ce qui prouve qu'ils ne voudraient pas plutôt 5, 10, 20% d'augmentation? Et c'était tout à fait ça, pire des proches. D'ailleurs... là-dessus, je veux dire, même en tant que femme, elle est particulièrement mauvaise. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de, je connais pas beaucoup de figures politiques importantes dans le monde. La seule qui me vient en tête, c'était Thatcher. Ah, je suis désolé, mais entre Thatcher et Marine Le Pen, il y a quand même un fossé. Je veux dire, on peut critiquer le fait que ce soit une femme, qu'elle était surtout dans le camp de nos adversaires, libéraux, capitalistes, cosmopolites. Mais enfin, il y a quand même un fossé. Je veux dire, vous avez Thatcher qui était une femme éduquée, qui avait une prestance, qui arrivait à imposer sa façon de voir les choses, qui n'avait pas peur d'affronter une assemblée. Marine Le Pen, cette femme est molle. On va maintenir la flamme de la résistance, hein, du national-socialisme, bien évidemment, vous l'avez compris. Du Werwolf, voilà, on se comprend. Il y a résistance et résistance. À la semaine prochaine, chers amis.